Alors bonjour tout le monde, bienvenue au cinquième chapitre de Histoire de Gamer. Aujourd'hui, j'étais un peu désolé, là, j'avais personne d'intéressant, donc je suis allé voir mon voisin qui reste pas tellement loin ici, d'ici, puis j'ai dit hey Steve, est-ce que ça te tenterait de faire un podcast avec moi parce que je suis vraiment dans le chenou ce matin. Puis il m'a dit ben oui, il dit, j'ai rien de mieux à faire que de parler de toute façon. Fait que ce matin, je vous présente mon invité de l'épisode du chapitre numéro 5, c'est Steve Degary. Salut Steve! Ouais, c'est ça. Salut Luc! Ça commence bien, mais je me disais, tu sais, vu qu'on jase puis que souvent on a du fun demain, je me suis dit, ça serait le fun de faire une intro un peu différente. Ah oui, c'est fun, mais je pensais que tu t'emmenais juste me ramener ma drill. Ta drill? Ben oui, on est voisins. Ah ok, ouais, mais t'as-tu... ok. Non, mais j'ai assez d'outils à moi que je me sers pas, que j'ai pas besoin d'aller emprunter ceux des autres pour pas m'en servir, finalement. Bon, ok, tu commenceras pas à te vanter à 9h le matin. Donc, Steve, merci d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est pas vrai que j'avais pas personne. Steve était planifié déjà depuis un bon bout de temps. Ah, dans vos dents! Ben, ça fait plaisir, Luc. Donc, Steve, on va parler de ton passé de gamer. On sait que tu joues beaucoup à plusieurs sortes de jeux, dont NHL, que t'es super bon à te faire planter par ta blonde. Mais... je me fais ramasser le matin. Hey, oui? T'es le seul avec qui je peux vraiment faire ça, là. Parce que, un, je te connais plus, je sais que ta blonde te bat NHL, puis c'est ça. Donc, mais à part NHL, toi, t'as commencé à jouer à des jeux vidéo à peu près vers quel âge, puis sur quelle console, puis qu'est-ce qui t'a embarqué dans le gaming? Ben, pour vrai, je te dirais que les débuts sont comme un petit peu nébuleux, parce que c'est à l'âge de, mettons, 7-8 ans que j'ai commencé à un peu jouer, mais en même temps, à cet âge-là, j'avais comme déjà tombé dans l'enfer de la drogue, fait que mes souvenirs sont un peu flous. non, pour vrai, je te dirais que officiellement, avec l'arrivée de la première console à la maison, ça a été le NES, le Nintendo. Je te dirais c'est peut-être à 86, donc j'avais assez sur 8 ans environ, là, pour dire que je suis pas vieux aujourd'hui. Mais officieusement, avant ça, j'ai eu des petites escapades sur ColecoVision, Atari 2600. Je me souviens d'avoir joué sur le Amiga d'un de mes cousins. Écoute, j'ai vraiment été inondé de technologies différentes, puis technologie, c'est entre guillemets, là, en ce moment, pour ce qui est des jeux vidéo, parce que c'est ça, avec les premiers PC, puis avec les premières consoles de télévision, consoles de salon, j'ai eu quelques expériences, là. Je me souviens vaguement d'avoir joué pour le fun à quelques jeux, mon cousin passe la manette, assez ça, blablabla, mais vraiment, la première fois que je me suis vraiment investi du temps à jouer à un jeu puis à me déterminer à le finir puis tout, c'est vraiment avec l'arrivée de Mario, un peu comme beaucoup beaucoup de monde au Nintendo dans les années 80. Le premier NES. Ouais, ça, le Nintendo Entertainment System. C'est ça, parce qu'on comme on parle souvent, c'est pas mal ça à date, tout le monde à qui j'ai parlé qui ont vraiment accroché, c'était avec la NES, parce que c'était vraiment comme la première console que le jeu que tu jouais dans ton salon était identique au jeu que tu jouais à l'arcade. À l'arcade, c'est ça. Parce que le premier Mario, je veux dire, il était pas beau si on le regarde aujourd'hui, là, mais pour le temps, c'était incroyable, c'était identique à l'arcade. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais ce jeu-là, ben, je vais parler pour moi, puis oh, fuck off, je vais parler pour le Québec au complet. non, mais tu sais, ça nous a tellement accroché que il suffit qu'on voie une photo ou un petit bout de vidéo ou quelque chose, une référence à Mario pour se remettre à penser, ah, oh, je me souviens, ce bout-là, il était dur, puis tu sais, la nostalgie en là-bas, comme, vraiment comme ça. Fait que, tu sais, je pense que ça a été vraiment le premier jeu avec une vraie grosse recette gagnante, puis écoute, au nombre de consoles qui ont été vendues, puis au nombre de jeux qui ont été vendus, je pense que tu te trompes pas en disant que c'est probablement un des débuts les plus forts une des plus grosses arrivées dans les salons du Québec. Oui, ça a été ce qui a démocratisé le jeu vidéo pas mal pour tout le monde. Oui, parce que c'était quand même abordable dans un sens, parce que ça coûtait pas 1000$ d'avoir ça dans ton salon. On s'entend que probablement que les prix de lancement dans ce temps-là, moi je sais pas, c'est parce que c'est ma maman qui achetait les consoles. Oui, c'est ça. Mais les prix de lancement dans ce temps-là étaient sûrement un petit peu moins énormes comparé à ceux qu'on a aujourd'hui. Là. C'est relatif avec la valeur de l'argent, là, mais je veux dire, tu sais, ça devait être quand même, ça devait pas coûter 500-600$ d'acheter une console avec un jeu puis une manette dans ce temps-là, tu sais. Moi, je me rappelle pas c'était quoi le prix de lancement. C'était, il me semble que c'est aux alentours de 300-400 pareil ou 350 pour la. Peut-être, c'est peut-être la Super Nintendo. Là, ça, ah ouais, ouais, peut-être. Avec le gros kit, là, mais il me semble que c'était quand même pas donné. Ben, pour le temps aussi, l'argent était moins. On gagnait pas. Personne gagnait comme 50 000 par année. Dans ce temps-là, tu gagnais comme 20 000 puis c'était le gros salaire ou quelque chose comme ça. Là. Ben, en fait, moi, j'allais à l'école. Là, je sais pas. Ouais, c'est, t'étais comme moi. Tu gagnais pas de salaire dans ce temps-là. Non, c'est ça. Je gagnais des retenues, par exemple. Je sais pas pourquoi ça me surprend pas. Fait que t'as dit que t'as joué aussi un peu à l'Atari 2600. Ça, c'était pas des consoles que t'as eues, c'est des consoles que tu jouais chez des amis ou chez de la famille. Chez ta famille, ou... ouais. Ben, je te dirais que j'ai quand même des bons souvenirs de quelques jeux sur cette console-là, autant que sur le ColecoVision, parce que il y a certains jeux qui se portaient sur les deux consoles, parce que c'était sensiblement dans la même époque, là, je te dirais. Ouais. Je me souviens évidemment de classiques comme Donkey Kong. Il y a un jeu qui m'a toujours fasciné, puis pourtant c'était super simple, puis justement je me suis surpris l'autre fois à aller sur YouTube pour en voir des extraits vidéo, juste comme par nostalgie encore une fois. Ça s'appelait Defender sur la Atari, je sais pas si tu connais ça. Ouais, ouais, ouais, j'ai joué à ça en masse. Bon, avec le petit vaisseau, fallait que tu sauves les gens, fallait que tu ramasses les gens de la terre, en tout cas, etc. J'ai joué, là, ça me rappelle probablement mes premières nuits blanches chez mon père. Parce que tu sais, Luc, mes parents sont séparés. Oh, OK. Oh. Non, j'étais jeune, on allait chez mon père, puis c'était la blonde à mon père, super cool, qui avait vraiment... Je pense qu'elle avait un Coleco, un Atari et un Nintendo dans le salon. Écoute, quand mon père allait travailler, c'était la fiesta, là. Et puis, ben c'est ça, je me souviens d'avoir passé probablement mes premières nuits semi-blanches là-dessus, mes nuits grises, je te dirais. Tout le monde était couché, puis j'avais ça, j'avais peut-être 7-8 ans encore. Tout le monde était couché, puis je me levais dans le salon, je sniquais, oh, on met la télé pas fort, blablabla, puis on commence, puis il y a des fois, je me suis fait réveiller dans le salon, puis tout le monde savait très bien ce qui s'était passé lorsqu'il voyait que. Non, c'est ça. Fait que. T'es endormi avec une manette dans les mains. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Ça a été une de mes premières. Expérience en console, mais j'ai un autre très bon souvenir aussi. Je parle-tu trop? Non, tu parles juste assez. Excellent, c'est surprenant parce que d'habitude le samedi matin je ronfle, fait que ça fait différent un peu. Et puis c'est ça, je me souviens aussi, mon cousin avait un PC, un 386 qu'il avait dans sa chambre. Écoute, c'est la grosse machine. Il y avait une carte vidéo en couleur avec une carte de son Sound Blaster. Il y avait du son puis tout le kit, c'était malade. C'était incroyable, la bombe du temps. La bombe du temps, ça roulait sur une grosse génératrice à gaz, là, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, puis il y a un jeu qui m'a accroché aussi là-dessus. C'était dans le temps des Wolfenstein 3D, c'était le début de Doom. Puis moi, je jouais à un jeu de polygone. Ça s'appelait Stunt, c'est un jeu de course. Okay. Un jeu de course que tu pouvais créer tes propres pistes de course puis aller faire des cascades avec des voitures. C'était en semi-3D. Je te dirais, ça avait l'air dans le temps de ce que Star Fox a déclaré être du 3D quand c'est sorti au 64. Là. OK, OK. Fait que c'était un peu ordinaire, mais c'était tellement le fun. Hey, je passais des après-midi, des super beaux après-midi ensoleillés. Ça, c'était chez mon cousin à Rimouski. Super beau. Il habite vraiment sur le bord du fleuve. C'est écœurant comme paysage pis tout. Puis hey, eux autres, ils jouent au hockey dehors pis ça. Puis moi, j'étais comme en dedans. Le petit, vraiment, c'est mes racines de geek. Là. Le petit nerd en train de dire oh, « je vais faire une piste, on va voir si je peux faire des cascades. » Puis je passais des après-midi là-dessus. Puis là, c'est comme « hey man, il rentrait pis gars. » Il y a une clé sur mon ordinateur, je peux le barrer, parce que oui, les ordinateurs ont une clé dans ça. Fait que, ben non, c'est ça. J'ai été vraiment jeune accroché au gaming, mais aujourd'hui, je le regrette tellement pas, parce que c'est tellement un univers sans limite, puis le fun, que c'est très cool. Ben, mais plus ça va aussi, plus c'est le fun, parce que dans le temps, quand on jouait, c'était pas... le graphisme était pas super beau, puis en plus... souvent les histoires étaient inexistantes, fait que tu jouais pour te rendre au bout de la cassette, puis tu savais pas pourquoi t'avais tout fait ça des fois là. C'est t'avais ça. Aucune idée. C'est ça, puis c'était pas tous les jeux qui avaient vraiment une marche à suivre. Des fois, on te donnait un jeu, il y avait un petit livret qui venait avec, mais souvent c'était juste pour les contrôles. Mais on disait pas, voici ton objectif, voici ce que t'as à faire. Fait que ça ouvrait plus la porte à l'imagination, dans le sens que tu mettais ta cassette dedans, mettons dans le Nintendo. Bon, puis quand fallait pas, tu souffles dedans 45 minutes avant que ça parte. Ouais, c'est ça. Ben là, on t'envoyait sur une aventure, puis c'était... Bon, ben, voici ton objectif, puis rends-toi. Puis à mesure que tu joues, tu vas voir que ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, tu vas voir des développements du jeu, tu vas comprendre la marche à suivre, tu vas comprendre l'histoire. Fait que c'était vraiment bien. Malgré que c'était super pixelisé, puis que comparé au graphisme d'aujourd'hui, que tout c'est presque cinématique, c'est presque photoréalistique, tu sais. C'était du pixel, mais si bon, on réussissait à véhiculer pareil une bonne histoire, puis une ambiance, si tu veux, une atmosphère, le fun, tu sais, dans les jeux du temps. C'est d'après moi, c'est ce qui fait que le rétro gaming est comme en vogue en ce moment, si tu veux. C'est vraiment que on redescend aux racines, on a quand même une super bonne expérience de jeu, tu sais, ça veut dire qu'on s'accroche pas nécessairement juste au graphisme. Ouais. Quoi qu'il y ait des gens qui trippent vraiment sur le pixel, là. Mais tu sais, on s'accroche pas juste à ça, on s'accroche aux expériences de jeu, puis tu sais, aux bonnes histoires, puis tout. Puis sans avoir des gros graphismes réalistes, on est capable d'avoir une bonne expérience de jeu pareil. Fait que, voilà. Ouais, parce que des fois, certains jeux étaient vraiment axés sur le gameplay. Je veux dire, t'avais des choses intéressantes, même si les graphismes du temps étaient pourris. C'est ça, on s'accrochait pas là-dessus. Puis le fait aussi qu'on aime se retourner à nos jeux du temps, c'est qu'on aime se rappeler... ce qu'on ressentait quand on jouait dans ce temps-là. Des fois, on joue à ça aujourd'hui et on dit « Comment j'ai fait pour aimer ça, ce jeu-là? » Parce vrai. Que c'est pas si incroyable que ça quand même. Là. Mais comme j'ai rejoué à Pitfall original, v'là pas si longtemps que ça. Puis dans ce temps-là, c'était un jeu super écœurant, mais tu rejoues à ça aujourd'hui, c'est « Ok, tu sautes, puis tu t'accroches à une liane. » C'est sautes, ça. Puis c'est toujours le même crocodile qui revient, puis c'est toujours le même, tu sais. Puis je me dis « Ouais, ok, c'est... » C'était ordinaire pour le temps, mais dans ce temps, pour aujourd'hui, c'est ordinaire. Mais pour le temps, c'était révolutionnaire, parce que t'avais pas ça, ce genre de jeu-là. Ben non, chaque jeu arrivait puis amenait une nouveauté, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience de gamer, tu sais. Fait qu'à chaque nouveauté aussi, c'était un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. C'est justement, dans Pitfall, si tu avais le malheur de sauter juste trop avant le trou, bye! Tu sais, fait qu'il fallait vraiment... Là, ça, c'est un jeu de timing. Moi, je me souviens d'avoir joué un petit peu à ça et d'avoir un peu sacré après. Je te dirais, ben non, je sacrais pas parce que ma mère, elle voulait pas dans le temps. Mais tu sais, je me souviens d'avoir joué à ça, puis c'était vraiment une question de timing. Tu sais, manque pas ta shot parce que tu recommences. Là. Puis ça aussi, là, c'est une autre affaire, comme des jeux qui sauvegardent aux 15 secondes, il n'y avait pas ça dans le temps, là. Non. Fait que tu partais une game, puis si tu la finissais pas, ben, tu t'en repartirais un autre, mon homme. Ouais, c'est ça. T'avais 3 vies, puis si tu scrapais tes 3 vies, ben, tu recommences au début. C'est ça. C'est un peu comme ça aussi avec les... Ben, ça fait pas... Si on regarde, on pas si longtemps que ça. Je veux dire, tu jouais à Mario, puis c'était ça aussi. Mais Super Mario World, Super Mario Bros, sur la SNES... Si tu passais le nombre de vies que tu avais, tu recommençais au début, il n'y avait pas de chance de recommencer où tu étais rendu. C'est ça. Fait que ça prenait beaucoup de patience et on recommençait. Mais si tu regardes aussi, on parlait de Pitfall, c'était pas nécessairement un jeu facile pour le temps parce qu'on n'était pas habitué puis c'était beaucoup de timing. Mais si tu passais le jeu sans mourir ou rien que ça, puis tu te rendais directement à la fin, le maximum que tu jouais, je pense, c'est 20 minutes, parce que t'avais un timer qui partait à 20 minutes, puis qui descendait. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il fallait que tu te rendes au bout du tableau en 20 minutes, puis après ça, ben, c'était 20 minutes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, quand tu le réussissais, ce jeu-là, c'était tout qu'un succès, là. Tu sais, ça admettons, tu passais au travers, c'est comme la première fois que j'ai fini Mario, sans le cheat pour les 30 vies dans le 3-1. Pas 30 vies, mais pour les 100 vies, c'est-à-dire. Mais la première fois que je l'ai fini, oublie ça, je capotais, là, c'était écœurant. Puis là, après ça, ben c'est comme, bon, je l'ai fini, qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben, on va recommencer. Non, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ou ben, on va sortir le gun pour jouer à Duck Hunt. Ah, ouais, ça, c'était le fun, Duck Hunt aussi. Puis c'était quelque chose de révolutionnaire dans le temps, pouvoir tirer dans ta télé des canards, puis ça fonctionnait. Là, ouais. Puis t'avais le chien qui riait de toi, des choses comme ça, quand tu manquais ton coup. Ben le chien, je l'ai tué! Faut pourquoi ça me surprend pas. À date, t'as une super opinion de moi, j'aime ça au bout. On lâche pas. Non, non, mais je veux dire, j'imagine que si le chien riait trop de toi, c'était... Ça avait aucune incidence. Tu rebootais la cassette, puis le chien est revenu. T'sais. Je veux dire, c'était pas comme si ça, c'était persistant, puis que ça affectait le restant de ton histoire. Ben, je te dirais que si le chien me gossait trop, ben, j'allais tirer sur les pigeons d'argile, parce que t'avais le choix entre les canards ou les pigeons d'argile. Ouais. J'allais faire les pigeons d'argile après. Mais c'était le fun dans ce temps-là. Ah, oui. Donc, t'as eu tes autres expériences Atari, à télévision, ça a été chez des amis. T'as eu une Nintendo. Oui. T'as joué à Mario. Y a-tu d'autres jeux qui t'ont marqué dans le temps? Sur Nintendo, j'aimerais faire un clin d'œil vilain à Maxime Tremblay en disant que tous mes amis jouaient à Zelda, puis que je les regardais jouer, puis que maudit que ça m'intéressait pas. fait que salut Max, je t'aime. Non, je te dirais, j'étais un peu moins jeu d'aventure. J'étais plus jeu action, jeu de sport. Ben, tu sais, les jeux de sport dans ce temps-là. Je me souviens vraiment d'avoir eu du fun en jouant au premier Mario Tennis, là. En fait, ça s'appelait juste Tennis. C'était pas vraiment Mario. C'était le tennis officiel du Nintendo. Mm-hmm. L'arbitre était Mario, si tu veux. Ouais, je me rappelle. Mais tu courais partout, puis that's it, là. Mais j'ai eu vraiment du fun à jouer à des jeux comme ça, des jeux de base. Et qui d'entre vous n'a jamais eu une cassette avec 100 jeux et plus? On jase, là. Moi, je n'ai jamais eu. T'as jamais eu ça? Non, j'ai jamais acheté de cassette avec des jeux comme ça dessus. Non. Ah ben si bon. Ben écoute, t'as ta place au paradis, mon garçon. Je penserais pas, là, mais. Non. Non, mais tu sais, toutes mes amies que je connaissais avaient ça, puis ma mère elle a fini par en acheter une. Je sais pas comment. Je veux même pas savoir où est-ce que ma mère elle a traîné pour acheter ça. Mais ouais, c'est parce ça. Tu pouvais pas commander ça sur eBay dans le temps ou sites internet louches parce que l'internet ça existait pas. Non, c'est ça. Fait que ça devait être dans un coin obscur de marché aux puces ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y avait, autrement dit, c'est, ça m'a permis d'essayer vraiment un paquet de jeux, parce qu'il y avait bien des jeux de quand même de qualité. C'était du piratage, c'était copié dans ce temps-là, mais il reste que c'était les jeux dans leur version intégrale puis tout. Fait que ça m'a permis d'essayer des jeux que peut-être qu'en temps normal, on n'aurait pas loué ou acheté. Puis mais c'est ça, je m'axais vraiment plus sur les jeux, ben les quelques jeux de course puis d'action qu'il y avait dans le temps là. Mais c'est ça. Je veux dire, j'ai joué à quelques classiques, même pas Zelda, mais j'ai joué vraiment à quelques classiques. Là. Encore là, je suis dans les jeux de sport. Le premier baseball, que tout ce que tu avais à faire, c'est peser sur A quand la balle arrivait proche de ton bâton. Pow, that's it, puis là, c'était parti. C'est vraiment ça. Parce que quand je reviens au fait que ça prenait vraiment de l'imagination dans le temps, ben c'est ça. On exerçait notre imagination, puis... Tu pouvais jouer contre... Je pouvais jouer... Ben, en fait, j'avais pas encore mon petit frère dans ce temps-là. Fait que je pouvais jouer contre ma sœur ou amener un ami. On avait deux manettes. On pouvait faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Mais c'est ça. Parenthèse, on n'a jamais eu aucun périphérique flamboyant avec la NES. Tu sais, il y a eu le robot qui était sorti. Oui, avec Gyromite. Avec Jérôme, c'est ça. Il y avait eu le tapis aussi pour faire pour il y avait un jeu d'exercice qui était sorti, un jeu de, je pense, d'athlétisme. Puis il y avait eu un tapis qui se branchait aussi. Puis en tout cas, il y avait vraiment un paquet à faire. Nous autres, on n'a rien eu de ça. On a eu le zapper, le fusil, ouais. Le fusil. Mais that's it. Fait que, tu sais, ça nous limitait un peu, mais en même temps, le robot, je connais vraiment pas beaucoup de gens qui ont joué à ça. Moi, je l'avais, le robot, puis je pense que si j'ai joué deux fois. OK. C'est beau parce que ça marchait plus ou moins. Tu sais, le tapis, je savais même pas que Wii Balance Board avait eu un ancêtre. À part les tapis de Dance Dance, là, je savais pas qu'il y avait eu un tapis pour faire de l'exercice. C'était plus gros qu'un tapis de Dance Dance Revolution. Là. Il y avait. Ça recréait plus ou moins une manette. Là. Il y avait vraiment plein de boutons. Il y avait des A, B, C. En tout cas, c'était énorme. Puis c'était compatible avec des jeux comme, ah, je me rappelle d'un classique d'arcade, parce que oui, j'ai beaucoup, beaucoup joué à l'arcade quand j'étais jeune aussi. Là. Track and Field, t'as sûrement connu ça. Là. Oui, bien sûr. Le pétage de boutons sur une manette, mais imagine-le sur un tapis par terre à cette heure. Pas avec les pieds, mais on est quasiment couché par terre à piocher sur le tapis comme des fous avec nos mains juste pour faire avancer le bonhomme. Puis, tu sais, c'est ça, là. Je l'ai pas eu, on a joué à ça chez un de mes cousins d'ailleurs. D'ailleurs, c'est tous mes cousins qui ont eu tout le cool le stuff cool. Faudrait bien que j'aille faire un tour là. S'ils ont encore le stuff cool. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi j'ai essayé de garder autant de stock possible depuis mes débuts dans le gaming, mais évidemment, il y avait bien du stock qui m'appartenait pas personnellement. T'sais, c'était comme la console de la maison, ces trucs-là. Fait que ma mère, ben, il y a du stock qu'elle a vendu ou qu'elle s'est débarrassée ou peu importe. Là, fait que, mais j'aurais aimé ça vraiment, tout garder mes jeux, toutes mes consoles, parce que je fais partie de ceux qui vendent pas nécessairement leurs jeux dans les magasins usagés comme EB quelque chose ou ben Micro quelque chose. T'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, je vais pas les vendre. Moi si j'achète des jeux ou si je reçois des jeux, peu importe en cadeau, j'aime ça les garder. Tu sais, on dirait que j'aime ça afficher que j'ai des jeux. C'est mon bling-bling personnel. Ouais, c'est correct. C'est une collection en même temps. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est pas une collection de jeux magistrales ou quoi que ce soit, mais j'aime ça les garder. On a encore tous nos jeux de PlayStation 2, c'est la console la plus vieille que j'ai en ce moment. J'ai encore mon Nintendo 64 et mon fabuleux Dreamcast chez ma mère. OK. Puis, mais c'est ça, là, on n'a pas gardé tout ce qu'on aurait voulu garder là, là-dessus. Moi, à un moment donné, c'est parce que ça prend de la place, puis c'est tu veux, si tu les gardes, tu veux quand même peut-être jouer avec une fois de temps en temps. Fait qu'il faut que tu puisses les brancher, puis avec les télévisions aujourd'hui, ben brancher un NES, c'est plus tellement évident qu'une télé HD, là. C'est sûr, c'est sûr. Fait que ça prend des gugus pour brancher ça là-dessus. Puis c'est aussi à un moment donné, moi aussi j'avais allé jusqu'à là pas si longtemps quand je t'ai emménagé ici, j'avais encore mon Nintendo 64 puis mon SNES. Puis à un moment donné, on a fait une vente de garage, puis ça a passé dans la vente de garage. Ah oh, ouais. Puis au prix j'ai vendu ça aujourd'hui, je me tape la tête sur la table. Là, je me dis j'aurais vraiment dû le garder pour ce prix-là. Là. Mais j'avais tellement de stock que je me disais que ça prend de la place puis je rejouerai plus jamais avec ça. Erreur. J'aurais sûrement encore joué avec. Ah oui. Mais où mon gars aurait joué avec, parce que tu sais, il y a des jeux là-dessus que c'était vraiment simple. Puis quand t'es capable de maîtriser des jeux de Nintendo DS, souvent tu peux maîtriser un jeu d'SNES parce que c'est à peu près la même complexité. Là. T'as des jeux sur DS qui sont plus complexes, mais je veux dire, un Mario en 2D qui fait juste un side-scroller, mais tu vas retrouver ça sur le SNES, tandis que tu vas aller sur la Wii. Ben, à cette heure, les Mario sont, à part Super Mario Bros. Wii, sont tous en 3D, fait que pour un enfant, de gérer la profondeur, la hauteur, puis tout le kit, c'est un peu plus difficile. C'est ça. C'est une bonne introduction au gaming. Puis en même temps, mais si nous autres, ça nous a aidé de commencer à jouer puis à développer notre sens de gamer, notre sens de OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse la débrouillardise, si tu veux. Mais ça peut être bon pour les enfants aussi de commencer par ces étapes-là puis pas tout de suite tomber dans des gros jeux super réalistes. Qu'après ça, bon, ben, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais après? Ben, puis pouvoir te dire aussi, papa, c'était donc bien lettre les jeux quand t'étais petit. Puis là, puis toi, tu réponds, ben, toi aussi, t'étais lettre quand t'étais petit, va-t'en. Hey, tu me fais penser, c'est vrai, une parenthèse vraiment inutile entre voisins, c'est les ventes de garage bientôt dans le coin, puis je vais sûrement scanner pour essayer de retrouver des vieux souvenirs de gaming, parce que, comme je disais tantôt, on s'y est attaché, puis c'est toujours le fun de vivre une petite bulle de nostalgie une fois de temps en temps. Ouais, mais souvent, c'est ça, à cette heure, ce que je vais faire, par exemple, je vais jouer souvent à des jeux sur la Wii Virtual Console, où je vais acheter les plus vieux jeux sur qui ressortent sur Xbox Live, quelque chose comme ça. C'est pas pareil! Non, c'est pas la même expérience que la petite manette avec deux boutons, puis que c'était A, B, puis c'était tout. Là. Mais oui, c'est différent, mais au moins, ça te permet de rejouer à ces jeux-là. C'est ça, mais tu sais, il manque le feeling de je vais enlever la cassette qui est en ce moment dans la console, je vais mettre une autre cartouche. Cloud, bon, je paye sur mon bouton power vraiment physique. Tau, je m'assois, ah bon, crotte, ma manette est limitée à un fil de 5 pieds et demi. Fait que je me rapproche, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est tout des petits détails, tu sais, des... Je sais pas, que ça... mais je trouve ça le fun, des initiatives, justement, comme la Virtual Console, que tu peux aller acheter des jeux sur la Wii. Puis tu sais, il y a même un paquet de sites web maintenant qui sont rendus avec des remakes de jeux rétro, tu sais. Ouais. Justement, puisque le rétro est en vogue. Mais... c'est correct, ça peut te rendre un petit peu, ça peut rendre un peu la justice des jeux du temps, tu sais. Mais, Colin, tu sais, il manque tout le temps un petit quelque chose, là. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même interface, c'est pas la même, c'est pas exactement la même affaire. C'est sûr. C'est malheureux. Mais c'est ça qui fait que c'est rendu du rétro gaming, c'est passé date, c'est collectionné, rendu à ce point-là, puis ouais. C'est pas tout le monde qui peut le faire, puis c'est pas tout le monde qui veut le faire non plus. Mais c'est genre de voir avec nos consoles présentes, à savoir si, tu sais, dans deux autres générations, quand ça va devenir du rétro gaming, puis que tout ce qu'on va avoir va être dans le nuage, puis que même, on aura peut-être même plus de consoles, selon certains, tu sais. Ouais. Ça va tout se passer dans ta télé, une Xbox 360, si ça va être quelque chose que les gens vont garder. T'sais, vu la production puis le nombre qu'il y en a sur la planète aujourd'hui, t'sais, c'est pas comme un Atari 2600 dans le temps. Il en avait vendu beaucoup, oui, mais pas les nombres que les Xbox puis les PlayStation se vendent aujourd'hui. C'est vrai. C'est beaucoup plus rare que nos consoles vont être, comme tu dis, dans le futur. Là, t'sais. C'est tellement produit en masse maintenant que il va sûrement avoir une quantité illimitée à retrouver justement à des places de vente usagées, etc., etc. Puis c'est pas tous les jeux qui nous accrochent non plus, malgré qu'ils sont beaux, qu'ils sont bien faits, puis tout. On les aime pas tous. Fait que tu sais, c'est pas comme... moi, peu importe le jeu, si j'arrive chez quelqu'un puis qu'il y a un Atari ou un ColecoVision, peu importe le jeu qu'il y a, c'est comme « Hey man, arrête de niaiser, là. Mets ta TV sur le 3, puis mets ta TV sur le 3, mets une cassette là-dedans, prends n'importe quelle, faut que je joue, tu sais, faut que je l'essaye. » Ouais. Ah, c'est vrai. Il y avait des jeux assez incroyables. Je regardais justement la liste des jeux Atari 2600 dans le temps, puis j'avais vraiment une belle collection de cassettes dans le temps, là. J'en avais pas mal quand j'étais jeune, puis je regarde certains jeux que j'avais aujourd'hui, puis je trouve que c'était le fun. C'est quelque chose que j'aurais dû garder. Mais si je me rappelle bien, j'ai vendu mes cassettes parce que mon Atari 2600 dans le temps avait rendu l'âme. Ah. Fait que au lieu d'en acheter un autre, parce qu'il n'existait plus dans le merveilleux fini bois. Ouais, il était rendu noir. À un moment donné, il avait refait une version noire plus moderne. Lui, je l'avais pas acheté. J'aimais bien mon fini bois, genre station wagon du temps. C'est ça, j'allais dire, fini station wagon. Ça matchait avec l'auto qu'il y avait dans l'entrée. Tu sais. Oh God! c'est rare que les consoles matchent avec l'auto que t'as dans l'entrée aujourd'hui. Ouais, parce que s'il fallait que j'aille un char qui ressemble à ma Wii, je me ferais sûrement tirer des pierres. check la momoune dans son char. Ok. Donc, NES avec, bon, on va espérer que la GRC ne cognera pas à ta porte, une cassette avec 100 jeux. Non, c'est ma mère qui l'a acheté. Ah, okay. J'habite plus avec ma mère. Ah, ben, bonne chance à Madame Desgarry, donc. C'est ça. après ça, t'as-tu passé à la Super Nintendo? T'as-tu sauté par-dessus et t'es allé à d'autres choses? Non, en fait, ma mère a le switché au Noël d'après. Hey, il y a une nouvelle bébelle qui est sortie. Ça s'appelle un Sega Master System. Fait que, on a eu le Sega. La première console de Sega qui est sortie, Sega Master System. Encore là, ça venait avec leur propre light gun, leur propre fusil. Ouais. Puis c'est ça, ça a été une expérience un petit peu moins grandiose que la Nintendo, mais il y a quand même une couple de jeux que j'ai vraiment aimé dessus. Là. Ben il y avait une couple de jeux, c'est là qu'on a connu Sonic, c'est là aussi qu'il y avait Hang On, le jeu de moto, ça c'était le fun. Qui était un des meilleurs jeux ou un des jeux les plus populaires sur le Sega Master System. Ben, en fait, c'est parce que je sais pas si c'était le cas de toutes les consoles, mais Hang On, moi, il était intégré dans la console quand je l'ai acheté. On n'avait pas de cassette à mettre dedans. T'allumais la console, puis je pense que t'appuyais par en haut avec la manette, comme assez loin, là. Il y avait un jeu caché aussi, que c'était il y avait un petit jeu de labyrinthe caché. Oui, je me rappelle. Ah, c'est loin, hein? Ouais, c'est loin. Je me rappelle, le Sega me rappelle une belle expérience au secondaire quand on était à l'école, puis il y a un de mes chums qui... On est dans notre cour, puis là, un moment donné, pouf, l'électricité débarque. Il n'y a plus d'électricité nulle part dans le quartier parce qu'il y a un gros orage, quelque chose comme ça, ou il y a un transfo qui a sauté à quelque part. Puis là, on est à l'école. Là, mon chum me dit « Hey, yeah, on pourrait retourner à la maison puis jouer au Sega. » J'ai regardé avec une face en lui disant « Combien d'hamsters que t'as pour faire rouler la TV plus la console? » Parce que s'il n'y a pas d'électricité ici, il n'y a pas d'électricité à la maison non plus. Uh-huh. Fait qu'à chaque fois qu'on parle de Sega, ça me rappelle de cette journée-là où que mon chum avait tellement hâte de retourner jouer à son Sega chez eux, puis il n'y avait pas d'électricité. Mais on n'a pas joué. Il y avait déjà un début de guerre dans ce temps-là. Hein? C'est comme « Ah, t'as pas une Nintendo? » « Non, j'ai un Sega. » »« Ouais, mais tu sais, c'est pas pareil. » Puis, je sais pas, mais... il y avait vraiment des jeux le fun. Un des jeux, encore là, super bizarre que ma mère allait acheter, c'est un genre de platformer, mais en vue isométrique, en vue à 45 degrés, si tu veux. Là. Mm-hmm. Ça s'appelait Dynamite Ducks. Puis c'était... chaque fois que j'arrive pour en parler à quelqu'un, ils font comme... Ouais, c'est beau, Steve, on va aller parler à du monde qui a quelque chose à dire. Ben, je me disais justement ça, mais moi, te laisser aller pareil. Ça peut intéresser une ou deux personnes. S'il vous plaît, si ça vous intéresse, appelez-moi, on pourrait être amis. Mais non, mais c'est ça, ben, c'est un jeu quand même le fun. Là. C'est vraiment un jeu, je me promène, puis je fais sauter des trucs, puis je me bats contre des ennemis, mais je suis un canard bleu. Fait, c'est un petit peu plate, mais moi, je me souviens d'avoir joué beaucoup. Je me souviens aussi d'avoir joué, est-ce que c'était Wonder Boy? Oui, c'était Wonder Boy. J'ai vraiment beaucoup joué à ça. Ouais, ça me dit quelque chose, ça me semble. J'ai joué à ça aussi. C'est un platformer, ça aussi, je me rappelle. Il y avait un genre de copie, entre guillemets, sur la Nintendo qui s'appelait Adventure Island, qui finalement a pogné un peu plus au Nintendo. Mais qu'est-ce qui était fun avec Wonder Boy, c'est que c'était aussi un jeu d'arcade. Fait que si t'avais joué à l'arcade, puis là, t'avais vraiment le feeling de jouer au même jeu dans ton salon, tu sais, c'était quand même cool, gros guillemets, mais c'est ça. Mais je te dirais qu'on n'a pas joué à tant de jeux que ça sur la Sega parce qu'on avait encore la Nintendo pendant ce temps-là. Puis j'avais des amis qui venaient jouer, ils s'en sacraient bien raide de la Sega. Ça avait l'air quasiment d'un martien dans le salon. Là. Fait que non, ça a moins pogné. Et je me souviens d'avoir réalisé que tu pouvais brancher une manette de ColecoVision, de ColecoVision. Dans la Sega pour la faire fonctionner, puis ça fonctionnait. Ah ouais? C'est la même prise? Oui, c'est le même port. Parce que les manettes de ColecoVision, je sais pas si le monde s'en rappelle, mais c'était tout droit sorti de l'espace. Là. C'était un téléphone. T'avais des chiffres là-dessus, si je me rappelle bien, puis là t'avais une espèce de joystick rond qui avait l'air d'un... Une poignée d'armoire. Ouais, c'est ça, j'allais dire d'une roue d'auto, là, une petite roue d'auto en modèle à coller, mais une poignée d'armoire, c'est encore une meilleure référence. C'était vraiment... spatial là, comme manette. Puis t'avais celle-là, puis t'avais une autre manette sur le Coleco aussi qui venait, je sais pas si ça venait avec le jeu Rocky, mais c'était une espèce de poignée que t'avais dans les mains, là, ou je me trompe-tu? Ah, ben en fait, moi, je me souviens pas de ça, là, mais peut-être non. Que, vu que t'es plus vieux, peut-être que... ouais, c'est ça. Mais non, il me semble qu'il y avait une manette bien, bien bizarre sur la Coleco, là, c'était... Les jeux étaient super le fun sur la Coleco, puis souvent, ils étaient plus beaux que ses autres consoles. Ouais. Les graphismes étaient plus beaux, mais les manettes étaient vraiment spéciales. Mais la console elle-même était spéciale. C'était tu rangeais tes manettes dans la console. Ouais. C'était pas super beau, mais encore là, j'en verrais une qui traîne aujourd'hui, puis c'est sûr que je saute dessus. Là. c'est spécial. Mais je me rappelle, dans le temps, j'avais un Nintendo, j'ai jamais eu de Sega, mais j'avais un Nintendo... Puis, je m'en ai, j'avais été louer un ColecoVision au club vidéo. Aïe, aïe. J'avais loué ça avec un jeu qui s'appelait Quest for Tire. Je sais pas si t'as joué à ça. Non. C'était un side-scroller où t'étais un homme des cavernes, puis tu roulais sur une roue en roche. Okay. Un peu du genre pierre à feu, là, mais tu roules sur une roue, les deux pieds, chaque barre du petit morceau de bois, puis là tu roulais, puis là fallait que tu sautes par-dessus des trous, par-dessus des roches. À un moment donné, t'avais des crevasses, fallait que tu t'accroches après un ptérodactyle pour traverser le trou. En tout cas, puis pour le temps, les graphismes étaient vraiment super beaux, là. Fait que la Coleco, c'était ça. T'avais Zaxxon là-dessus, si je me rappelle bien. T'avais Turbo. qui venait avec un vol, que tu peux avoir avec un volant. T'avais le jeu justement de Rocky, qui est un peu comme Punch-Out, sorti un peu plus tard, mais sauf que c'était vraiment vu de côté, là. Fait que c'était, il y avait des jeux vraiment, vraiment intéressants, ça à Coleco. Mais je n'ai jamais acheté une. Je connaissais des amis qui en avaient une, mais moi, je n'ai jamais eu une. Ah, à part en location. Ça ressemble au gars qui dit « Quoi, des films pour adultes? Non, j'écoute pas ça. Mes amis en écoutent, mais moi, j'écoute pas ça. » Ouais, mais c'est pas pareil. J'ai vraiment jamais eu la console. Non. Ben, c'est ça, nous autres non plus, mais on... je vais finir par faire une phrase. Tu veux-tu acheter une voyelle? Non, c'est juste ça que je te donnais. Je vais prendre une consonne. OK. Mais, non, mais dans la famille, il y en avait déparpillé un peu partout, des petites consoles comme ça qui traînaient dans les fonds de salon. Fait que j'ai toujours eu la chance de pouvoir les essayer. Fait que c'est quand même cool. Ça, la télévision aussi. C'est ça, je connaissais toujours un ami qui avait un père qui était un gamer, puis là, qui avait... lui avait une télévision, tandis que le plus jeune avait son Atari 2600 ou avait d'autres choses. Fait que j'ai pu essayer toutes les consoles, mais j'ai pas, dans ce temps-là, c'était Atari, puis après ça a été Nintendo. Fait que mais toi, t'as passé de NES à Sega. Ouais, puis ça a été vraiment une courte aventure avec le Sega, parce que, comme je te dis, on se ramassait toujours sur la Nintendo pour plusieurs raisons, là. Dont notre cassette qui avait plus que 100 jeux dessus. Pardon. Et ben, par la suite, on est tombé dans le fabuleux monde du SNES, le Super Nintendo. Ouais. Et là, watch out le club vidéo, j'habitais sur le boulevard Saint-Michel à Montréal. Et puis, vraiment, juste en face de chez nous, il y avait le club vidéo, mais c'était un des plus gros clubs vidéo du quartier. C'était immense, immense, immense. Puis des fois, je me souviens, je me couchais le soir, le club vidéo était encore ouvert, puis j'ouvrais mes stores, puis je regardais le monde qui se promenait dans le club vidéo, puis j'étais comme « Ah, si seulement je pouvais être à leur place! » Question d'aller me louer des jeux, puis c'était, écoute, on avait une source de jeux de fou, juste l'autre bord du boulevard. Fait que, avec l'arrivée du Super Nintendo, écoute, il n'y a pas beaucoup de jeux auxquels j'ai pas joué. Avec l'arcade, ça a été aussi mon premier rendez-vous doux avec un des jeux que je préfère. En fait, probablement mon jeu préféré, qui est Mortal Kombat. Oui. Malgré que c'était pas sur la Genesis, puis comme beaucoup ont déjà mentionné, il n'y avait pas de sang au Super Nintendo. Flagadidi, mais c'est pas grave. Ouais, c'est de la sueur ou quelque chose de bizarre, gris. Pis... Oh ouais, c'est ça. Pis si je voulais faire des gros finishims vraiment violents, ben j'allais à l'arcade, c'est pas grave. Ouais, parce qu'il y avait tout modifié sur la version SNES. Les finishing moves n'étaient pas pareils. Il n'y avait pas d'arrachage de tête, il y avait... Kano, il allait pas chercher un cœur, c'est comme juste s'il punchait longtemps puis il ramenait une poignée d'eau dans ses mains. Tu sais, il y avait des affaires comme ça. Mais c'est pas grave, ça a été un autre feeling, le fun de faire comme aïe, j'ai joué à ça à l'arcade, je peux jouer dans mon salon avec une petite manette dans mes mains, c'est écœurant. Ça me coûte pas 25 cents à chaque fois que je veux challenger un de mes amis, j'ai juste à l'inviter chez nous. Fait que c'est là que je me suis découvert d'ailleurs un gros intérêt pour les jeux de combat avec cette console-là, parce que avec les jeux comme... c'est quoi qui avait sorti? Il avait sorti Clay Fighter. Street Fighter. Oh, oui, Clay Fighter. Ouais. Il n'y avait pas... Killer Instinct, oui. Street Fighter, comme tu dis. Puis un petit peu plus tard, avec les autres consoles, il y a eu plein d'autres franchises qui sont sorties. Mais tu sais, ça te permettait de faire... On dirait qu'il s'était tout donné le mot pour dire bon ben voici le genre de combinaison que vous aurez à faire pour faire des special moves en général dans les jeux de combat. Puis avec moi j'ai vraiment commencé avec Street Fighter pour vrai, mais tout de suite après je suis tombé dans Mortal Kombat. Mais c'est ça, tu sais, dans Street Fighter, c'est pour faire les moves, c'est un peu la même chose, c'est des quarts de tour de manette avec un bouton, une combinaison, puis si. Puis ce qui fait que tous les autres jeux qui sont sortis, c'était à peu près le même genre de truc. Fait que tu commençais à jouer un jeu, puis instinctivement, tu savais à peu près comment faire des moves. Puis là, t'arrivais dans des jeux comme Killer Instinct où c'est des combos qui sont importants. Plus tu fais des gros combos de moves, ben plus t'avances vite dans tes combats. Fait que t'avais déjà une habitude, tu savais comment ça fonctionnait un peu. Fait que c'est là que... Tu peux partir les violons. C'est là que mon amour pour les jeux de combat est arrivé dans mon cœur. OK. Ouais, c'est pas mal pour tout le monde parce qu'il y en a sorti. Quand ils ont commencé à sortir bon, Street Fighter 2 puis Mortal Kombat sur les consoles de salon, ouais. On dirait que ça a parti un genre. Probablement que ça existait peut-être au Japon sur des consoles différentes, mais vraiment, nous autres en Amérique ou peut-être au plus au Québec, là, ça a vraiment commencé à populariser le genre du jeu de combat. Parce qu'il y en a sorti plusieurs dans les années qui ont suivi. Là. Mais c'est ça, puis c'est vraiment le feeling « Ah, il y a un jeu d'arcade chez nous! Ouais. Malade! » Puis ça, je me souviens, c'est un des premiers jeux que je me suis procuré avec mon argent à moi. C'est Mortal Kombat. Puis quand le 2 est sorti, j'ai tout de suite été avec le 2. Pour les mêmes raisons, je jouais beaucoup à l'arcade, puis c'était vraiment le fun. Sans le savoir, je le savais vraiment pas dans ce temps-là que ça allait se développer comme ça. Ça a été aussi le début d'une longue histoire de haine avec la franchise NHL. Oui. Avec NHL 93 qui était sorti au Super Nintendo. Ouais, qui révolutionnait pas mal le genre du jeu de hockey. Là. Oui, j'aimais ça dans ce temps-là, moi. Ouais, moi aussi. Ben c'est ça, maintenant, jamais je me serais douté que j'aurais pu me mettre à détester un jeu que j'aime autant. Mais ça, c'est dans le présent. Puis un petit message à ma blonde qui est vraiment pourrie à ce jeu. Ben, oui, c'est ça. C'est ça, on jouera une game à un moment donné. Non, c'est ça. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de franchises que j'ai bien aimées au Super Nintendo. On avait des meilleurs graphismes. Je me souviens quand la console est sortie, t'avais deux ou trois jeux de lancement qui venaient avec. T'avais évidemment Super Mario World, oui. Avec l'arrivée de Yoshi. Puis écoute, quel fun j'ai eu à jouer à ça, puis longtemps. Et il y avait aussi Pilot Wings. Et ça, mon gars, j'ai trippé à ça là. Tu peux même pas savoir comment. J'ai aimé le fait que tu pouvais faire dans le même jeu du parachutisme, piloter un avion, faire du je pense qu'il y avait du deltaplane dedans. En tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis ça, c'est le genre de jeu que si j'avais la chance de rejouer aujourd'hui, je pourrais vraiment passer beaucoup de temps à jouer, malgré que c'est du 16 bits, c'est super pixelisé, c'est pas super beau. Mais l'expérience de jeu était vraiment, vraiment le fun. Je me souviens, de la façon que j'ai découvert le Super Nintendo, c'est quand j'étais plus jeune. C'était à La Ronde, à Montréal. Et puis, okay. Puis il y avait la grosse van Nintendo. Là, c'était comme leur camion de tournée, si tu veux. Puis ouais. le Super Nintendo était pas encore lancé, mais on pouvait l'essayer. Puis dans ce temps-là, on n'était pas adulte, première des choses. Puis on n'avait pas l'occasion d'assister à des gros événements médias ou des lancements de jeux, puis des expositions sur le gaming. Puis ils venaient essayer tel jeu avant qu'il sorte, puis etc., etc. Il y avait pas non plus de démo téléchargeable quand un jeu allait sortir ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme si tu rentrais dans cette van-là, mon gars, t'étais big shot là. Puis c'est ça, je me souviens d'avoir essayé. J'avais l'occasion d'essayer deux, trois autres jeux avec Mario puis Pilot Wings, mais c'est vraiment les deux premiers jeux que j'ai essayés. Puis j'espérais pouvoir les avoir. Quand ma mère a acheté le Super Nintendo, ben Mario venait avec. Fait que j'étais vraiment content. Puis j'ai ramassé mes sous plus tard pour finir par m'acheter Pilot Wings comme presque presque un an après la sortie de la console. Ça a pris du temps. Ben, ça a pris du temps parce que, tu sais, mon sens des finances dans ce temps-là était pas super fort. Fait que je me disais, ah, ben, je ramasse des sous, mais je pourrais aller le louer. Fait que je l'ai loué à peu près comme 6-7 fois, si c'est pas plus. Puis avec des sous que j'aurais pu garder pour acheter le jeu. Fait que j'étais pas super wise. Ça s'est arrangé. Ouais, mais dans ce temps-là, je veux dire, tu voulais l'avoir là. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais le louer puis jouer avec là, puis pas avoir à attendre 3 semaines avant de l'acheter, mais. Être un enfant, c'est ça, c'est que tu veux tout là. Mais oui, et je suis encore comme ça. Puis aussi, on avait eu le Super Scope 6 au Super Nintendo, qui était le bazooka. Tu sais de quoi je parle, s'il vous plaît? Ça me dit vaguement quelque chose. OK, bon, ben c'était... Mon Dieu, je vais t'éduquer, mon Luc. Oui, vas-y, éduque-moi. Non, mais c'était vraiment un périphérique un peu comme le light gun comme le zapper du Nintendo, mm-hmm. Mais c'était un bazooka que tu tenais sur ton épaule, vraiment plus gros, tu sais. Puis ça venait avec des jeux, ça, il était sans fil, ça fonctionnait à batterie, c'était vraiment malade, mais pas tant que ça. Puis, ben, t'avais des jeux, t'avais un jeu qui venait avec, fallait que tu tires sur des missiles qui passaient, fallait que tu détruises des avions, mais tu sais, c'était vraiment le feeling de, hey, je peux me reculer de la TV, là, puis je vais pouvoir jouer quand même. Fait que, c'est ça. Ça, c'était sorti, mais on l'a pas gardé longtemps parce que ça mangeait des batteries autant que je mange de la pizza aujourd'hui. Ok, fait que pas mal. C'est cela. mais tu dis dans où tu regardes ça avec du recul, puis tu dis, il me semble, un bazooka. Ben oui. Ça doit être, tu sais, c'est un peu limité comme, tu sais, je veux dire, un fusil, t'as 50 000 jeux de tir qui sortent par année, là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais un bazooka, tu sais, il me semble, ouais, jouer une partie complète de Battlefield avec un bazooka sur l'épaule. Ben oui. Ben non, pas sûr. Tu fais pas ça régulièrement, non? Ah, non, non, c'est non. Juste moi? C'est juste... Ça doit être ça, oui. Non, mais c'est sûr, puis ça limitait aussi le style de jeu. Je me serais pas vu jouer à Duck Hunt avec un bazooka. Tirer des canards au bazooka. Non, j'aurais sûrement visé le chien en premier. Tu ris plus, chien, hein? Là, tu ris plus, hein? C'est ça. Il voit des canards péter dans le ciel. Tiens, voilà ce qui t'attend. Un tir de bazooka au milieu, puis les 6 canards qui s'envolaient en même temps sont tous morts d'un coup. Ah, c'est ça. Mais non, c'est ça, mais comme je te dis, on l'a pas eu longtemps, là. Puis, en fait, on l'a eu longtemps, mais il a vraiment traîné longtemps dans mon garde-robe. C'est ça, parce que t'avais un set de batterie, puis c'était tout. Ouais, ben c'est quasiment ça, tu sais. Mais ça coûtait cher, pareil, là. Puis, ouais, c'est ça. Je l'ai enfermé dans mon garde-robe avec ma collection de POG aussi, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent des POG. Oh, je suis triste. Je suis pathétique, mais c'est ça, les POG, c'était le fun, les amis. On va prendre ton mot. OK. Mais c'est ça, fait que Super Nintendo, c'est pas mal autour de ça que ça traînait. As-tu remarqué que j'ai pas encore joué à Zelda sur la Super Nintendo? Ben oui, je vais venir te rejoindre là-dessus. Oui. J'ai probablement jamais joué à un Zelda. Oh! Wow! j'entends Maxime trembler nous dire... inculte, mais c'est ça. Non, j'ai vraiment... j'ai déjà essayé des Zelda, mais pour moi, c'était comme un jeu qui était interminable. Ouais. Puis moi, un jeu interminable, ça m'intéressait pas. Fallait que ça... Puis encore aujourd'hui, j'aime ça quand un jeu a une fin à un moment donné. Que ça aboutit, hein. Ouais, dit le gars qui joue à Star Wars The Old Republic, là. Ouais, c'est sûr. Un jeu qui a théoriquement pas de fin, là, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il fallait qu'un jeu, ça se finisse. Puis Zelda, pour moi, même si c'est pas vrai, là, je veux dire, ça finit, là. La preuve, Maxime Tremblay, encore, les a presque toutes finies, ou toutes finies, tu sais. Ça se finit, mais pour moi, c'était interminable, puis j'ai pas embarqué là-dedans. Fait qu'un peu comme toi. Ouais, ben en fait, il y en a un que j'ai quand même voulu essayer de me convaincre, parce qu'il avait l'air quand même le fun. Puis c'est, je pense que c'est celui que Maxime Tremblay préfère, c'est Ocarina of Time. Okay. Au Nintendo 64. J'ai essayé de jouer, j'ai quand même eu un peu de fun dans l'exploration, puis c'était un monde en 3D, fait que c'était moins un genre de jeu que tu avais vraiment un petit carré qui se promenait pour rentrer dans une caverne, fouiller dans un buisson, puis ça. C'était quand même plus le fun, plus interactif. J'ai détesté la petite fée, Navi, je pense que ça s'appelait, là. Ouais, hey, ouais. Listen! ça, je me suis tanné assez vite. Mais le fait qu'il ait mis l'ocarina dedans, tu sais, pour faire telle chanson, faire telle chose, en tout cas, c'est vraiment flou parce que j'ai pas joué des heures et des heures. Mm-hmm. Mais j'ai quand même voulu l'essayer, voulu voir c'était quoi. Mais Maxime me dirait sûrement, ah, mais Steve, il aurait pas fallu que tu commences avec celle-là, il aurait fallu que tu commences par l'autre, puis là, après ça, t'as reconnu l'histoire, puis blablabla. Puis là, moi, je dirais, ouais, ok, salut, Max. c'est tout, puis je partirai courir. Pas 72 heures à mettre avant de commencer à jouer un jeu. Ah, c'est ça, j'ai une game d'un autre vrai jeu qui m'attend. C'est... Oh! Mais pas... Hey, Max, pas que Zelda est pas un vrai jeu, en passant. Mais c'est ça. Mais c'est un jeu qui prend... Ça prend du temps, ça prend... Faut que tu sois assidu, puis que tu joues presque toujours à ce jeu-là pour pouvoir le finir à un moment donné, puis aussi pour rester, j'imagine... dans l'histoire, puis pas commencer à jouer à 4-5 autres jeux en même temps. Ben, c'est ça. Fait que c'est un des jeux, c'est une des raisons pourquoi que ça m'a jamais intéressé. Il n'est pas écrit dans le ciel que je ne jouerai jamais à un jeu de Zelda, c'est juste que je vais attendre d'avoir le temps de le faire, peut-être, puis je vais commencer à la base, je vais commencer avec Legend of Zelda ONES, puis je verrai si je suis capable. Maintenant que mes horizons de gamer sont pas mal plus larges, mon éventail d'intérêt est pas mal plus large qu'il l'était dans le temps. Dans le temps, c'était vraiment, ça me prenait de l'action. Fallait que ça roule, qu'il y ait de quoi qui se passe, tu sais. Comme, c'est pour ça que les jeux de course, les jeux de combat, même les platformers, il y en avait des bons. Fallait que ça m'allume à quelque part parce que ça, jouer aux jeux vidéo, je voulais pas que ça m'ennuie, que ça me relaxe trop, que ça m'endorme. Au contraire, je voulais que ça me réveille. T'sais. Je fallait que ça bouge. Là. Fait que... Ça prenait de l'action instantanée. Pas marcher pendant 15 minutes pour te rendre à la caverne qu'il faut que tu ailles te battre dedans, puis après ça ressortir de là, puis remarcher un autre 15 minutes pour te rendre ailleurs. C'est ça. J'ai compris. Mais Zelda, c'est quand même un bon jeu. On plante pas Zelda, c'est juste que c'est pas parce que ça nous intéresse pas que c'est pas bon. Ben non, c'est ça. Comme moi, j'aime bien regarder des photos de nains tout nus sur Internet. C'est pas pour tout le monde, mais moi, ça me procure quelque chose, tu sais. Je suis content pour toi. OK. Hey, j'irai te montrer ça à un moment donné. Non, c'est beau, c'est correct. Bon, OK. OK, donc SNES, après ça, t'es allé Nintendo 64, j'imagine? Non, ben après ça, je suis allé dormir un petit peu parce que ça fait quand même 3 consoles. ben oui, exactement, Nintendo 64. Mais je ne l'ai pas possédé vraiment. Dans ce temps-là, on faisait des drôles d'échanges. Je me souviens, j'avais échangé un paquet de jeux de Super Nintendo à mon ami pendant que lui. Puis lui, en retour, il m'échangeait sa console Nintendo 64 avec 3 manettes. Puis c'était comme indéterminé, c'était comme « Hey man, je te passe tous mes jeux, passe-moi ta console », puis ben, puis c'était des échanges qui marchaient dans le temps, fait que c'était le fun. Fait que on se l'était prêté, mais je l'ai eu pratiquement presque un an de temps chez nous. Fait que lui, je pense qu'il aimait plus le fait de jouer à des jeux de Super Nintendo qu'au 64. Je le comprends pas, mais c'est pas grave, j'en ai bénéficié. Fait que j'ai eu la console, puis avec 3 manettes, ça m'a permis de jouer à plusieurs jeux le fun aussi, comme Mario Kart, comme Mario Party. Je suis un fan fini de Mario Party. Mario Party, ouais. Aïe, c'était le fun. Mario Tennis aussi à plusieurs, c'est rigolo comme tout. On a vraiment eu du fun à ça. Fait que c'est ça, je l'ai pas possédé. Mais j'aimais la console parce que dans ce temps-là, c'était un petit peu plus Nintendo 64 contre PlayStation 1. Ouais. Fait que puis comme ça a été mentionné déjà dans le podcast, je pense que c'est Tristan qui parlait de... Non, je pense que c'est c'est Maxime Tremblay qui parlait de ça. Les temps de chargement d'une console contre l'autre, c'était vraiment pas comparable parce que dans le 64, t'avais la cartouche, c'était une cassette. Donc il y avait vraiment moins de chargement, c'était direct, tandis que PlayStation, bon ben t'avais des plus beaux graphismes, t'avais de la meilleure musique, mais c'était sur CD, fait que c'était long à loader. Fallait que tu sois patient entre chaque tableau. Ouais, c'est ça. Si, admettons, tu comparais jeu pour jeu, bon, je voudrais pas qu'on me juge. J'ai eu une période obscure où j'aimais les jeux de lutte parce que je suivais un petit peu la lutte à la télévision. Et puis, je me souviens, il y avait peu importe le jeu de lutte dans ce temps-là, c'était sûrement un WrestleMania quelque chose. Ben, sûrement, c'était pas mal juste ça qui se faisait. C'est ça, fait que je l'avais essayé. Ah non, je pense que c'était... WCW, en tout cas, peu importe, je l'avais essayé au PlayStation et à la 64, puis j'avais joué au PlayStation, c'est long à loader, puis tout, mais oh wow, ok, j'ai vraiment la vraie entrée du lutteur en vidéo, puis c'est ça, puis arrive, puis c'est à peu près les mêmes feux d'artifice, puis tout, j'étais comme, wow, c'est fou, c'est vraiment cool jouer, puis blablabla. Puis là, t'arrivais au 64, que, hey, pas de loading, hein, on va-tu avoir du fun? Là, le jeu commence, les textures sont de la crotte, les entrées, ben t'as même pas la vraie musique, c'est comme ça sonne semi-midi là. Oh, ouais. Puis c'était pas du vidéo qui passait, t'avais 3-4 photos du vidéo de l'entrée, c'était cheap au bout. Mais tu choisissais dans le temps si tu voulais de la qualité ou de la rapidité pour jouer. C'est ça. Puis souvent, malgré que j'aimais bien les beaux graphismes, ben c'était la 64 qui l'emportait parce que il y avait pas trop de loading. Puis dans des jeux comme ça aussi, quand il fallait que tu crées un personnage ou quoi de même, avec le loading, ça pouvait être long en 6 balles. Là, fait que c'est ça. Fait que j'ai joué un peu à pas mal de jeux au 64. J'ai aimé les titres pour jouer en communauté. Tu sais. Tu pouvais jouer à 4 manettes. Ouais. Fait que quand on pouvait, on allait louer une manette, ou bien un de mes amis emmenait la sienne, puis là, du coup, on start, on pouvait se faire des soirées entières de Mario Party, vraiment, tu sais, comme on mettait les games au maximum de la longueur de durée que ça pouvait durer, justement. Puis ça, puis est arrivé dans ma vie GoldenEye. Oui. Ah, tabarouette. Qui est un des premiers shooters qui avait fait une bonne job sur console. Oui, puis c'était pas sur la plus puissante des consoles, tu sais. Non. Fait qu'encore là, le power, c'est pas tout. Tu sais, il y avait un élément le fun là-dedans. Si t'avais moins vraiment une assez grosse télé pour splitter ton écran en quatre, il y avait du fun à avoir en Moses, là. C'était vraiment cool. Puis tu recheck les textures, les graphismes de ça, c'est super de base, tu sais. C'est pratiquement vraiment juste... c'est un rectangle? Bien non, c'est une porte de toilette. c'était vraiment ça. Mais Colin, il y avait du fun il y avait vraiment du fun à avoir. Puis c'est ça, c'était le feeling de pouvoir jouer à un jeu de tir. Mais les gars contre qui tu joues sont juste à côté de toi, là. Fait que tu peux te moquer d'eux autres tant que tu veux. Puis en tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette expérience-là. Là. Puis c'est pas mal ça au 64, c'est ça. Ben évidemment, il y a eu Mortal Kombat 3 qui était sorti là-dessus. Donc pour moi, c'était même pas une question. Là. C'était OK, on va aller l'acheter, puis blablabla. Puis c'est ça. C'est vrai parce que le 2 était sorti aussi sur la SNES. Puis le 3 était sorti sur la Nintendo 64. Ouais, c'est ça. Avec du sang sur la 64. Oui, parce que Nintendo avait un peu assoupli leurs règles. Ouais. Mais sur la SNES, il y avait une manière d'avoir du sang. Il fallait que tu aies une cartouche. Une Shark? Comment est-ce qu'il appelait ça dans le temps, ça? Ah, le Game Genie? Game Shark? Ouais, Game Shark, où que tu branchais ta cartouche dedans. Puis là, tu pouvais aller changer des. Tu pouvais mettre des cheat codes où tu pouvais. Tu pouvais t'acheter le Nintendo Power ou Génération 4 ou des magazines comme ça qui te disaient où aller changer telle valeur pour avoir. Que la sueur devienne rouge, puis là, ça te donnait comme si t'avais du sang. Fait que il nous manquait-tu l'Internet dans ce temps-là, tu penses? C'est vraiment, c'était pathétique. Fallait attendre que le magazine décide de publier quelque chose là-dessus, puis si c'était un jeu que, bof, il avait pas trouvé intéressant, ben t'avais rien dessus. C'est ça. Même si toi, tu l'aimais au bout, t'avais pas un million de ressources pour fouiller, pour trouver des informations dessus. Là. Non, aujourd'hui, ça en est trop facile, même. Dans ce temps-là, ouais. C'était trop difficile. Mais aujourd'hui, t'achètes un jeu, puis comme deux jours plus tard que le jeu est sorti, t'as le walkthrough complet sur Internet, t'as juste à suivre, puis ton jeu est terminé. Là, c'est ça. Ben, tu sais... Faut être un peu poche pour faire ça, mais ouais, je ne juge pas les gens. Non, c'est ça. Ben, chacun son affaire. Hein. Oui. OK. Donc, Nintendo 64, que tu n'as jamais possédé, mais que tu as eu quand même un an chez vous. Ouais. Après ça, t'es-tu allé PlayStation? Ben, en fait, en même temps que j'ai eu cette période-là, ce qui a fait que j'ai un peu moins été poussé vers un achat de console, c'est que je me suis acheté mon premier PC personnel à moi. OK. Fait que c'est une période dans laquelle je me suis vraiment découvert en tant que gamer, tu sais, que j'ai appris, c'était l'arrivée d'Internet aussi dans ma vie en même temps, mais j'ai appris que tu pouvais jouer autant sur un ordinateur à des choses le fun que sur une console qui est dédiée à ça, tu sais. Puis ben c'est ça, ça a été l'achat de mon premier PC qui est un Pentium 233 MHz. Avec, je pense que c'était 256 MB de RAM, puis un disque dur de, attention, 4 GB. Oui, puis c'était une bombe pour le temps. Ben oui, parce que ça roulait les jeux qui étaient populaires dans ce temps-là. Avec Windows 95, c'était magique. Puis ben c'est ça, ils sont venus... en fait, la raison première pourquoi je m'étais ramassé de l'argent pour m'acheter un PC, c'est que je suis content que ça n'avait pas été mentionné à date dans les histoires de gamers, parce que je voulais être comme un des premiers à en parler. C'était... T'as-tu vécu un peu l'expérience des cafés Internet? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non. Okay. J'ai eu l'Internet chez nous... assez tôt, moi, parce que j'avais un de mes amis qui travaillait à l'UQAM. Ah, OK. Donc, on avait accès par modem au serveur de l'UQAM pour avoir accès à Internet. Ah! Oh, oh. Où ce qu'il fallait, tu tapes des commandes à la main puis, pour faire tes recherches, puis les browsers web sont venus même un petit peu après ça. Là. OK, c'était, OK. C'était ça. Ah, ok. Ben, Café Internet, pour moi, c'est là que j'ai découvert Internet. Je sais que c'est pas histoire de surfeur, fait que je vais faire ça vite. Je venais d'arriver parce que j'ai vécu à Montréal jusqu'à 18, 19 ans, à peu près 18 ans, je te dirais. Puis après ça, ben j'ai été par la suite, j'ai été habité chez mon père pour tomber dans le monde magnifique du professionnel. Fait que je me suis trouvé un job, c'est ça. Puis là, ma vie s'est mise à rouler, puis j'avais besoin de quelque chose pour avoir du fun. Fait que, au lieu de me tourner vers la drogue, puisque j'avais déjà eu une mauvaise expérience à 8 ans, je me souviens en revenant de travailler, je suis passé devant, ça s'appelait, c'était à Dorion, qui est pas trop loin de Saint-Zotique. Et ça s'appelait le Café Orion. Puis c'était un café Internet. Puis là, j'ai fait comme, Café Internet, il me semble, ça me dit de quoi. Fait que je suis allé voir, je me suis informé, et oi, oi, oi. C'était dans un sous-sol, tu rentrais là, il faisait noir, aucune référence au monde extérieur. Fait que la première journée que tu découvres Internet, il y a un paquet de choses à faire dessus. Rien de louche en passant. Okay. Mais tu sais, c'est là que j'ai découvert les chats. C'est là que j'ai découvert les sites Internet. Hey, tu pouvais aller sur des sites Internet puis écouter des chansons faites en midi, mais c'était des chansons qui jouaient à la radio, mais faites en midi, c'est incroyable. When I Come Around de Green Day, juste avec du synthétiseur, c'est magnifique. Oui. Puis, c'est ça. Puis, j'ai passé beaucoup de temps. Puis, tu sais, mettons, je finissais de travailler peut-être à 4h30, 5h, j'allais là. Puis, la première journée, je me souviens, je suis sorti de là, puis il était presque minuit. Puis, j'avais l'impression que ça faisait même pas 1 heure que j'étais là. Puis, fait que, tu sais, là, j'ai fait comme, oh, attends, on a peut-être quelque chose, là. Fait que, à force d'y aller, je me suis mis à découvrir qu'il y avait aussi un phénomène qui s'appelait le jeu en réseau, que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Ça m'a fait mal. ça m'a vraiment fait mal dans ma vie. Fait que je voyais le monde jouer à des jeux, comme dans le temps, c'était il y avait Command & Conquer, StarCraft, Warcraft, dans les RTS, là, dans les jeux de stratégie en temps réel. Mm-hmm. Puis ça jouait beaucoup à ça, puis tu sais, il y avait quand même une quinzaine d'ordinateurs dans la place, fait que c'était quand même le fun, il y avait quand même de l'action. Puis je voyais le monde s'ostiner, puis comme « Ah, tu peux pas faire ça, ah, check-click m'attaque, ben, hein. » Fait que je me suis dit « Ah, ça a l'air le fun », fait que j'ai commencé à jouer à StarCraft un peu, puis là, j'ai fait « Oh, attends un peu, ça c'est de la gestion, c'est le fun », puis ce que je fais, ça a vraiment un impact sur l'autre gars qui est à l'autre bout de la pièce là-bas, puis ça l'écœure que je suis en train de le rusher en début de game, puis blablabla. Fait que je voyais qu'il y avait un potentiel de plaisir, puis ça a été aussi mes premières expériences, mais mis à part Wolfenstein puis Doom, là, ça a été une de mes premières expériences de jeu de tir à la première personne sur PC et en réseau avec Quake 1 et Quake 2 que je jouais dans le temps, toujours au café Internet. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait fun d'avoir toutes ces affaires-là chez nous. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté mon premier PC. Puis là, ben c'est ça. Avec StarCraft, j'ai joué à des jeux. J'ai occupé la ligne de téléphone chez nous parce que dans le temps, c'était des modems téléphoniques. Oui, t'avais pas le choix. Ah non, c'est ça. J'ai tellement. À un moment donné, je me suis fait rentrer une ligne à moi chez mon père pour pouvoir jouer quand j'avais besoin de jouer, tu sais. Ouais, parce que j'ai fait pareil parce que sinon, si t'avais le malheur que ton père décroche la ligne pendant que t'étais en train de jouer, ça coupait. Ouais, tu perdais. la connexion, puis si t'étais en train de gagner une game que ça faisait à peu près 1 heure que tu joues, c'est pas grave, ton père fallait qu'il téléphone. Fait que tu sais, j'ai eu ça. Je m'étais aussi acheté Quake, justement. J'avais acheté aussi le premier, c'était le premier ou le deuxième? Je pense que c'était le deuxième Grand Theft Auto, GTA 2. Ouais. Que tu voyais en vue aérienne, dans le fond, là. Ah, c'était tellement fun, j'ai passé tellement trop de temps là-dessus. Là. Le graphisme était vraiment pourri, mais le gameplay était le fun pareil. Ah, l'expérience était vraiment le fun. Ça te permettait de faire des choses que jamais tu te serais dit ah, on peut faire ça dans un jeu, on a le droit. Tu pouvais écraser du monde en auto, tu pouvais. Tu sais, t'avais des missions, puis là, tu volais le char de quelqu'un, c'était comme waouh, je veux faire ça dans la vraie vie. Non. Mais. Mais non, mais c'est ça, j'ai vraiment eu vraiment de fun avec ça. Ben c'est ça, l'arrivée de mon premier PC, ça a vraiment été un gros point important dans ma vie de gamer parce que je me considère un petit peu plus joueur de PC aujourd'hui que joueur de console, mais je joue beaucoup à mes consoles. D'ailleurs, tu le sais, j'ai brûlé mon PlayStation 3 récemment, puis tu m'as vendu le tien. Ben oui, là, tu vas pouvoir brûler mon ex PlayStation 3. Yes! Fait qu'achète-toi-en un autre, on sait jamais. Ouais, je non, je penserais pas. Fait que, mais c'est ça, mais je joue un petit peu plus PC, un peu comme Max racontait à son émission à lui. Il est un petit peu plus axé sur le PC. Tristan aussi, j'ai été comme surpris de savoir ça, parce que je me suis dit, il travaille dans le jeu vidéo, fait probablement qu'il est porté plus sur les consoles. Mais non, il est plus PC, fait que j'ai trouvé ça cool aussi. Tristan, ouais, c'est un gros joueur PC. Fait que... Ah, il est pressé, tu dis? Non trop. Gros joueur PC. Ah, ok. J'avais compris. Mais, fait que c'est ça. Fait que même la plupart des jeux auxquels je m'investis le plus, c'est comme dans des carrières ou dans du leveling up, c'est vraiment au PC. Mais je suis vraiment un gros fan des consoles que je possède en ce moment. OK. Là, on parlait de la PlayStation. Oui! Y a-tu des jeux qui t'ont marqué sur la PlayStation? Gran Turismo. Oui. Gran Turismo 1 et 2, que j'ai vraiment... perdu du temps. C'est triste à dire. C'est arrivé avec mon entrée au cégep. Alors, j'ai pas eu toujours des belles notes. Alors, après tes 8 ans de cégep, t'as décidé de trouver une job. C'est ça. Quand c'est rendu que voyons, ils me gardaient une pièce à moi juste pour que j'habite là. Non, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas terminé mon deck, alors je suis pas fier de le dire. Mais c'est pas parce que je jouais à des jeux vidéo. C'était parce que je prenais de la drogue. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Je me suis tellement couché tard. C'est des soirées que je me promettais d'étudier, que je me promettais de faire des travaux. Puis je me souviens d'une fois, le PlayStation, il était dans ma chambre. Puis j'ai invité du monde chez nous pour un travail d'équipe. Je pense que c'était en philo en plus. Tu sais, quelque chose de vraiment intéressant. Puis je m'étais dit, bon, parfait, on va étudier, on va se concentrer là-dessus, puis tout. Puis eux autres, ils rentrent, puis ils n'ont pas de PlayStation. Fait qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ah, t'as un PlayStation, cool. Je pense que je pourrais l'essayer avant qu'on commence, puis tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que j'ai peut-être involontairement scrappé leur travail d'équipe à cause que je possédais un PlayStation dans ce temps-là. Fait qu'il y a une couple de gars qui allaient au cégep en même temps que toi aujourd'hui qui t'en veulent à mort parce qu'ils auraient pu être médecin, puis finalement... Oui, j'aimerais leur dire que Steve DeGary est mort. Je fais juste parler à sa charge. Juste que c'est là qu'il essaie pas de me trouver. Fait que... Non, c'est ça. Ben, au PlayStation, ça a été ça. Ça a été, évidemment... NHL, je pense que c'était NHL 98-99 dans ce temps-là, parce que j'ai toujours, sur toutes les consoles, j'ai suivi vraiment mon intérêt pour la franchise de EA Sports. Fait que c'est ça, NHL, Gran Turismo, encore là, tu vois, je tourne autour des jeux de sport, des jeux d'action. Ouais, c'est ça. C'est loin. Les jeux de combat, Tekken au PlayStation, j'ai joué beaucoup, beaucoup à Tekken. Mm-hmm. À quoi j'ai joué aussi? T'avais-tu essayé dans le temps qu'il y avait un jeu de Star Wars qui était sorti, Masters of Terascasi? T'avais-tu essayé ça? Non. Ok. Non. C'est un jeu de combat à la Star Wars. Ah, pour vrai? Oui. Ah, ben tu vois, j'étais même pas au courant de ça. Tu regarderas ça sur YouTube, Masters of Terascasi. C'était sur la PS1, puis c'était vraiment, tu pouvais être Luke contre Léa, Luke contre Darth Vader. Le dernier, c'était Luke contre Darth Vader. C'était vraiment un jeu avec des combos à la Street Fighter un peu, mais tu te battais avec des armes. T'avais un sabre laser, fait que t'avais des fusils, ou t'avais Han Solo, t'avais certains personnages comme ça que tu pouvais débarrer. Ouais, c'était pas pire. Ben, pas pire du tout. Si j'avais été informé de ça dans ce temps-là, c'est sûr que j'aurais voulu l'essayer. T'sais, un jeu de combat associé à une franchise aussi populaire que Star Wars, c'est sûr que j'aurais voulu. Là. J'essaye encore de me rappeler d'un jeu que... Ah, on parlait de... Parce que tu viens de parler de Star Wars. Avec mon premier PC, je me souviens, j'avais acheté... Tu te souviens-tu de TIE Fighter? Ben oui. Oui, bon, mais j'ai joué à ça, mon gars. Oh là là. J'ai passé beaucoup de temps à TIE Fighter. Ouais. Il y avait sorti X-Wing, je pense, avant. Ok, mais TIE Fighter était plus complet. TIE Fighter était plus le fun à jouer. Puis tu sais, c'était comme l'arrivée du 3, ben pas du 3D, mais de la profondeur dans les jeux puis tout. Mm-hmm. Là. Ah, c'était super cool. Puis j'avais, je pense que c'était Rogue Squadron aussi que j'avais joué, si je me trompe pas. Rogue Squadron était sorti sur le Nintendo 64. Je pense qu'il est sorti aussi sur PC dans le temps, oui. Ok. Ben c'est ça. En tout cas, mais tu sais, c'est quelques jeux de Star Wars que j'ai joué là, parce que j'essaierais de t'énumérer tout ce que j'ai joué dans le passé. Je serais jamais capable. Là. Ma mémoire est beaucoup trop affectée pour ça. Fait que c'est ça. Non, PlayStation, c'est ça. Ça a été des jeux un petit peu plus beaux visuellement, qui fessaient un peu plus, mais qui étaient super bien construits. Tu sais, justement comme Gran Turismo. Tu te partais une carrière là-dedans. Écoute, c'était vraiment de la belle gestion, puis l'expérience de course, c'était vraiment le fun. Parfois, vraiment frustrante, mais tu sais, j'ai Gran Turismo 5 aujourd'hui, puis je m'amuse encore à y jouer parce que, tu sais, c'est vraiment, arrange telle voiture, tu sais, pour rentrer dans telle classe, faut que tu aies tel permis. Fait que, tu sais, c'était pas tout donné gratuitement dans le jeu, fallait que tu travailles pour avancer, puis ça, j'aimais vraiment ça. Puis t'es pas trop déçu de Gran Turismo? Attends, on n'est pas rendu au PS3, mais t'es pas trop déçu de Gran Turismo 5? Non, ben je sais que beaucoup de gens le sont. C'était pas à la hauteur de leurs attentes, mais tu sais, on se dit, on a attendu pratiquement 5 ans pour ce jeu-là. Fait que si ça avait été à la hauteur de nos attentes, nos têtes auraient explosé. Ouais. On a eu 5 ans pour s'attendre pour se créer justement un standard de jeu qui était même pas encore sorti. Fait que, tu sais, on s'attendait à avoir vraiment un simulateur de conduite hyper réaliste dans notre salon. C'est malheureusement pas ce qui est arrivé. Mais l'expérience du jeu, comment le jeu est construit, moi, pour vrai, je capote. J'aime vraiment ça. Puis l'introduction des modes en ligne, moi, j'adore ça, là. Il y a tellement de monde qui joue en ligne que tu peux pas ne pas trouver une bonne partie à jouer à quelque part, là. J'aime vraiment ça. Ben, je t'en reparlerai peut-être dans quelques instants, de toute façon. C'est beau. Donc, fait que là, après PlayStation, t'es allé PC, vraiment. T'as dit t'as acheté ton premier PC, t'as joué à des jeux en ligne. Ouais. Y a-tu un jeu en particulier qui t'a marqué sur le PC? Ces années-là? Ben, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à StarCraft. Je faisais partie d'un clan. Attends, je me souviens plus. Ah, c'était BWQC, BW pour Brood War. C'est une extension qui était sortie par la suite. On jouait pour celle-là. QC pour Quality Check ou Québec. Ah, OK. Puis c'est ça, je salue les membres qui m'écoutent sûrement pas parce qu'ils savent pas que je suis encore en vie. Et puis, c'est ça, j'ai joué vraiment beaucoup, beaucoup à StarCraft. Puis question shooter à la première personne, Quake sans équivoque, c'est vraiment... Je l'ai fini, j'ai fini le mode solo à plusieurs reprises. Puis en ligne, ben, j'étais vraiment une bête. Ça... j'ai vraiment toujours eu une certaine facilité à jouer à ça. Pour les jeux de tir dans ce temps-là, là, ça... ben, en fait, les jeux de PC dans ce temps-là, ça tourne autour de ça à peu près. Là. J'avais pas un million de jeux, mais je me concentrais beaucoup sur ceux que j'avais. Ouais, Quake avait un peu révolutionné, même si c'était le même style que Doom puis que Wolfenstein. Le Quake était à sa sortie était superbe graphiquement, là. Il était vraiment beau, là. Ben graphiquement, puis il était fluide, ça roulait au bout. Il y avait des armes qu'on pouvait pas nécessairement avoir dans d'autres jeux. Puis c'était aussi, tu sais, si tu viens dans Doom, dans le heads-up display, tu avais ton écran. T'avais ton fusil en plein milieu, t'avais la petite face de ton bonhomme, t'avais ton score, t'avais ci, t'avais ça, t'avais ton armure. Mais il n'y avait pas tout ce flafla-là dans l'écran. Quand tu jouais à Quake, ça avait un feeling un peu plus réaliste, dans le sens que ce que tu voyais, c'était ton arme, puis avance, puis tu sais. Ouais. Fait que déjà là, c'était ça. Puis c'était un petit peu plus gore que les autres jeux. Ça roulait, c'était plus dynamique. Puis c'est probablement ce qui fait que j'ai vraiment accroché dessus. Hein. Puis après, fait que c'est à peu près les jeux que tu as joués sur PC. Après ça, tu t'es en allé vers quoi? PS2? Non. En fait, PS2, ça a été long avant qu'on l'aille. Puis je dis qu'on l'aille parce que moi, je ne l'ai jamais possédé. C'est Lynn, ma copine, Lynn Boutiette, salut. Que personne ne connaît sûrement. Non, puis ils sont mieux de ne pas la connaître parce qu'elle est détestable. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est adorable. Mais non, elle, quand on a emménagé ensemble, elle avait déjà la PS2. Fait qu'on dans le temps, elle était un peu sur sa fin, la PS2, quand on a commencé à habiter ensemble. Mais j'étais content de l'avoir parce qu'elle avait une super grosse collection de jeux avec, en plus. Là. Fait que c'est ça. Moi, je ne l'ai jamais possédé. Je l'ai loué souvent. OK. Je l'ai loué souvent. Encore quelque chose que tu loues souvent au lieu d'acheter? Oui. C'est là que tu vois que j'apprends vraiment pas dans la vie. Je suis vraiment un hamster, je suis zéro. Là. Mais c'est ça, mais oui, je l'ai loué souvent, mais c'était en grande partie pour jouer à Gran Turismo 3. les jeux de hockey, je pense que c'était. Là-dessus, on était peut-être rendu à NHL 2002, 2003. Ça doit tourner aux alentours de ces eaux-là, ouais. Ouais, ben en fait, je dis ça en figurant, mais je vois très bien dans mon rack de jeu dans le salon qu'il y a NHL 2002 dessus. Fait que c'était ça un peu. Dans cette période de temps-là, je jouais encore beaucoup au PC parce que est arrivé dans ma vie Counter-Strike. OK, oui, ouais, un autre jeu de tir, très populaire. Très, très, très populaire. Je joue encore des fois aujourd'hui. C'est plus la même version. Mais en fait, je joue aux deux versions parce qu'ils ont sorti Counter-Strike Source avec des graphismes un peu plus améliorés. Puis là, il y a Counter-Strike Global Offensive qui s'en vient bientôt, que je vais sûrement me procurer aussi, qui va tourner. Ça va être pas mal le même style de jeu avec quelques maps différentes, des textures beaucoup plus belles puis tout. Là. Mais je vais sûrement. Tu sais, je suis resté accroché à ce jeu-là, j'ai joué vraiment longtemps. C'est-tu un jeu qu'ils ont refait au complet ou c'est encore pas mal le même jeu, mais c'est juste qu'ils ont revampé le graphisme? Non, mais ils ont rajouté vraiment des features intéressants. Les maps sont. Il y a des maps qui sont beaucoup plus vastes. J'ai l'impression qu'ils ont voulu opter un petit peu plus pour le style MMO, mais pas MMORPG, là, mais vraiment MMO Massive Multiplayer Online. Là, un peu comme Battlefield pour accommoder plus de joueurs dans une main game. Là. Fait que il y a des maps qui sont beaucoup plus grosses, mais ils ont gardé une grosse partie des maps classiques de Counter-Strike. Fait que j'ai hâte de voir. Les vidéos que j'ai vues sont vraiment, vraiment beaux. Mais là, c'est-tu du... comme Tristan dirait, c'est-tu du in-game? C'est ça, on sait pas. On va savoir quand ça va sortir. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais non, c'est ça. Counter-Strike, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur PC dans ce temps-là. C'est peut-être ce qui a fait aussi que j'ai pas voulu m'acheter une console parce que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas joué assez. Fait que... L'investissement n'aurait pas valu la peine. Non. T'étais beaucoup PC. Ouais, c'est ça. J'étais beaucoup PC. Dans ce temps-là aussi, je jouais beaucoup... C'est niaiseux, mais je jouais beaucoup à Carmageddon. qui avait fait un tollé dans le temps. C'était vraiment... Ça avait... Les gens, il y avait des associations de parents qui s'étaient levés contre ce jeu-là parce que le but, c'était d'écraser du monde dans la rue. Ouais. Avec et de démolir les autres voitures. Ouais, c'est ça. Avec une voiture dont le niveau montait constamment. Tu sais, tu la modifiais à mesure que tu avançais. Elle pouvait devenir plus dangereuse, plus folle. Puis c'est ça, tu démolissais des voitures, tu démolissais... tu voyais, c'est le cas de le dire, tu démolissais des gens. Non, oui, c'était un début du jeu. C'était vraiment sanglant, ce jeu-là. Là. Ouais, mais j'ai joué beaucoup parce que j'aimais l'aspect interactif. Tu sais, la dernière fois que j'ai voulu faire ça dans la rue, ben là, y a du monde qui pleurait, puis tout le kit. La police qui cogne à la porte, puis tout ça, c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, je veux dire... Tant qu'à... reste dans un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Surtout que t'habites pas loin, hein? Ouais, c'est ça. Je m'a toujours appelé chez vous avant de demander à Lynn si t'es sorti, avant d'aller prendre une marche. C'est bon. Fait que c'est ça. Puis il y avait Gran Turismo... pas Gran Turismo, mais Grand Theft Auto 3 qui était sorti dans ce temps-là, qui était le premier Grand Theft Auto... en fait, en 3D, qui était pas vu de haut. Là. Ouais. Donc, c'était pas mal plus immersif. Il était vraiment difficile, là. Mais il était pas mal plus immersif, puis beaucoup, beaucoup plus interactif encore que les deux autres l'avaient été. Évidemment, parce que tu rajoutes une dimension de jeu, là, fait que ça... Puis la console était plus forte comme telle. Là. Fait que j'ai pas eu de PlayStation 2, pas eu d'Xbox, mais j'ai loué vraiment les deux longtemps, longtemps. OK, pour les essayer, puis jouer un peu à des jeux sur d'autres choses que ton PC. Fait que ouais. T'aimais jouer à ça, mais tu trouvais pas que acheter la console valait la peine. Fait que t'allouais une fois de temps en temps avec un jeu, puis tu passais une fin de semaine à jouer, puis t'en retournais. C'est ça. Tu retournais à ton PC. C'est ça, ou bien si on faisait un party, on invitait des amis, puis tout, puis on va louer ça, on peut faire ça, on va louer ça. C'était vraiment occasionnel, mais je me surprends encore aujourd'hui à passer devant, comme je te dis, ma bibliothèque de jeux, puis faire comme « Ah, c'était le fun, ça, je devrais peut-être jouer un peu », puis là, je regarde mon PS3 qui fait comme « Hey, le gros! » Des niaises. Fait que je vais jouer un petit peu au PlayStation 3. les consoles qui me menacent. Ouais, c'est ça. Hein, c'est te faire intimider par un objet inanimé, là, c'est vraiment pas... C'est dur sur le moral, lui. Oui, je sais, je te comprends. Donc, PC, après ça, t'as sauté par-dessus la PS2 et ces choses-là. Après ça, t'es allé quoi, Xbox 360, PS3? Non. J'ai été de ceux qui avaient préacheté la Wii avant sa sortie. OK. Et puis, ça a été ma première aventure de campon devant le magasin, pour être sûr. fait que je me souviens, je l'ai eu à sa date de sortie. J'étais au EB Games à Valleyfield. OK, ouais. Puis il y avait plein de monde devant, puis quand ils ont ouvert les portes, j'étais un des seuls qui l'avait préacheté, fait que il ouvrait les portes, puis là il disait les préachats en premier, puis là je suis comme passé devant tout le monde, puis je me sentais vraiment hot jusqu'à temps que je rentre en dedans, puis je commence à ressentir la peur parce qu'il fallait que je ressorte avec ma console. Tous ceux qui t'avaient ri t'attendaient avec une brique pas un fanal. Ouais, c'est ça. Tiens, on va en avoir une gratis mais qui ressorte. Hey, cave. Fait que c'est ça, non, fait que ça a été ma première console next-gen, si tu veux. Puis je voulais celle-là, parce qu'il y avait la PS3 qui s'en venait pas longtemps après. Mais je voulais celle-là parce que c'était révolutionnaire. C'était, oh ben, tu vas jouer avec la Wiimote, tu vas jouer dans l'espace. Tu vois, c'était différent. Je m'attendais pas à ce que ça soit une grosse affaire, une grosse machine de hardware fou, vraiment performante. Je savais que ce serait... semi, pas enfantin, mais tu sais, ça garderait l'esprit de Nintendo de juste s'axer sur le gameplay puis pas le reste. Mais j'ai vraiment eu du fun avec la Wii quand elle est sortie, surtout une fois que je l'ai déballée. Puis non, mais avec des jeux, tu sais, Wii Sports, là, j'ai joué super longtemps avec avant de faire comme bon, ok, je pourrais peut-être y aller pour un autre jeu. Peut-être passer à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai acheté. Il y avait un jeu de Tony Hawk, Pro Skater, qui était sorti avec ça. Je pense que c'était Project 8. En tout cas, j'avais acheté ça parce que dans le temps du premier PlayStation, j'ai oublié de te mentionner ça tantôt, j'ai joué à tous les titres de Tony Hawk's Pro Skater parce que j'adorais le fait de pouvoir faire du skate simili, tu sais. Puis, mais avec le soundtrack qui venait avec ce jeu-là, c'était complètement fou, là, la musique des jeux de skate de Tony Hawk, là, ça m'a fait découvrir bien des bands que je connaissais pas puis que j'aime encore aujourd'hui. Puis j'entends ces chansons-là qui vont jouer, mettons, à la radio ou à quelque part, tu sais, peu importe, dans mon iPod ou quoi de même. Puis à chaque fois qu'il y a de quoi qui part, je fais que « Ah, oh, c'est tel fun! » Ça me rappelle ce jeu-là. Fait que je m'étais dit « Ah là, oui, je vais l'essayer. » Mais c'était pas vraiment, vraiment la même chose. Puis j'ai fini le jeu en à peu près 5-6 heures. Je suis allé porter... tu sais, je dis, d'habitude, je garde mes jeux, là, mais celui-là, je l'avais plus ou moins aimé, fait que je me suis dit, je vais le finir. Puis, j'étais allé le reporter au magasin, puis il était comme, tu l'as pas aimé? Non, je l'ai fini. Parce que la Wii, c'est, tu sais, comme, en tout cas, dans les titres de lancement, il y avait pas vraiment de jeux énormes à faire, là. Non, il y avait pas grand-chose. Non, fait que c'est ça. Ça a été la première console next-gen que j'ai achetée. Next Gen qui n'en est pas une. Non, c'est ça. Next Ancienne Gen. Mais ça reste qu'on a beau pas cracher sur la Wii, mais il y a beaucoup de monde qui se font du fun sur le dos de la Wii. Mais je veux dire, c'est quand même elle qui a parti le bal pour la Kinect, pour le Move. Le PS Move. Puis je veux dire, ça a quand même révolutionné le monde du jeu vidéo, pas graphiquement, mais juste le fait que tu pouvais donner une manette à ta grand-mère ou à ta mère ou à ta tante, puis qu'elle pouvait jouer au bowling. Ben, c'était ça. Ça prenait pas de temps, tu expliquais juste un peu, regarde, lâche ces boutons-là, mais pèse-là, lâche ça en même temps, puis tu joues au bowling. Puis, tu sais, c'est bon que tu dises ça, parce que ça me rappelle une petite anecdote. Ben, en fait, c'est pas une anecdote, mais un moment de vie. Dans ma famille, j'ai toujours eu un mononcle, ou ben même mon père, ou une ma tante, qui aimait jouer à tel jeu sur chaque console qu'on avait. Fait que je me souviens qu'au Nintendo, des jeux comme Tetris puis Dr. Mario, bon ben Tetris, mon père était complètement fou de ça, là, mais vraiment, vraiment malade. Là. Mais Dr. Mario, mettons, j'avais une tante, chaque fois qu'elle venait chez nous, elle voulait jouer à Dr. Mario, puis tu pouvais jouer à deux à Dr. Mario. Fait que ça m'a permis de découvrir que le gaming, ça peut être, au lieu, pas juste une question de jouer tout seul ou jouer avec des amis, ça peut être... tu sais, en famille, fait que tu sais, avec quelqu'un que tu connais super bien, que tu vois moins souvent, mais ça te permet d'avoir beaucoup de fun avec ta famille, fait que j'ai eu ça. Puis cette expérience-là est revenue un peu quand Nintendo est sorti avec la Wii, avec des jeux justement comme Wii Sports. C'est des jeux qui appellent à être joués en groupe parce qu'ils sont faits pour avoir du fun. Ils sont pas juste faits pour faire comme « Ah, ben c'est la suite de telle franchise qui a bien marché » ou ben finis ce jeu-là, tu vas être fier de toi, blablabla. Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui sont faits pour le party. Puis c'est ce que j'aime de la console. C'est ça. Ben, c'est surtout ça, la vocation qu'elle a eue par après. Il y a certains jeux comme Zelda, les Mario, des choses comme ça, qui sont des jeux pour jouer tout seul. Mais la console était beaucoup axée sur les Mario Party, puis sur, les jeux de famille, là, les jeux pour jouer en gang. Oui. Mais ça marche parce que regarde combien de fois, depuis qu'elle est sortie, combien de fois que dans le temps des fêtes, ils sont arrivés short, back order. Bon, souvent, il y en a qui vont dire que c'est des stratégies marketing, mais moi, je crois pas nécessairement à ça. Je crois vraiment que sincèrement, Nintendo sous-estime la valeur de leur console, puis que l'intérêt que les consommateurs portent. Fait que, tu sais, et c'est souvent dans le temps des fêtes que le monde, oh, on aimerait ça avoir une Wii pour les fêtes, on pourrait jouer en gang. Puis c'est pas tout le monde qui, après le temps des fêtes, la sac dans le tiroir, puis tout. Il y a du monde qui continue à jouer à l'année longue parce qu'ils découvrent qu'il y a quand même des titres intéressants dessus, tu sais. Moi, il y a quand même plusieurs bons titres, c'est juste des trouvés. Puis malheureusement, ouais, la plupart des titres qui valent la peine sont des titres de Nintendo. Nintendo a de la misère depuis une couple d'années à avoir des bons titres de third party, là, de compagnies autres. Ben oui, ben surtout avec des consoles comme la Wii, justement, qu'il y a beaucoup de jeux qui sont entre guillemets point and click, fait que ça pourrait être n'importe quelle compagnie qui décide d'investir un peu, qui a eu un jeu qui a semi-marché sur PC, qui fait « Ah, on va le porter sur la Wii », ce qui fait que les tablettes sont souvent envahies de plein de titres qui peuvent intéresser juste une petite partie des consommateurs. Mais il y a beaucoup des consommateurs qui ne savent pas. Ah, oh, c'est un nouveau jeu de Wii, je l'achète. Puis finalement, ils arrivent chez eux, puis c'est comme, hein? Un exemple, on a acheté, puis j'ai dit, fouille-moi pourquoi. Je sais vraiment pas. On a acheté un jeu qui s'appelait, il était pas cher, ça s'appelait Firefighter. Puis c'était un supposé simulateur de pompiers, si tu veux. Écoute, le but du jeu, c'est de garder ton bras bien étiré pour que ta lance, elle envoie l'eau sur le feu exactement au bon endroit. Donne des coups de oui dans le vide pour défoncer des portes avec ta hache. Et that's it. Roule le générique, t'as fini. Super intéressant. Ah, c'est vraiment le fun. Là, après ça, t'as eu ta PS3 que t'as toujours. T'as toujours, oui, NHL là-dessus. Puis le même genre de jeu, j'imagine, combat, Mortal Kombat. T'as dû bien aimer le nouveau Mortal Kombat qui est sorti. Aïe, si je l'ai aimé, je l'attendais parce que, ben, en fait, je l'attendais un peu avec une brique et un fanal parce qu'il avait sorti Mortal Kombat Armageddon un peu plus tôt, que oui, j'ai pas super gros aimé, malgré que j'ai tout possédé les jeux de Mortal Kombat, là. Mais celui-là, j'avais moins embarqué, tu sais, il y avait Mortal Kombat 4 aussi qui était sorti sur les consoles précédentes qui était comme, en 3D, tu pouvais spinner la perspective de l'écran, tu sais, tu pouvais. J'aimais moins ça. Fait que là, je me suis dit, aïe, il amène ça sur une grosse console puissante de même, mais pour un jeu que j'aimais parce qu'il était simple, c'était du 2D, puis c'était du combat, ben, si bol, ils m'ont charmé, mon gars, là. J'ai capoté sur le jeu quand il est sorti. J'en avais écrit une petite critique, ben, pas une petite critique, je m'étais gâté, j'avais fait une bonne critique sur Geekbécois. Du jeu, puis je l'avais vraiment, mais vraiment aimé. J'y rejoue encore pas mal. Puis récemment, ils ont sorti Mortal Kombat Complete Edition, qui est pratiquement le même jeu, mais avec toutes les DLC qui ont sorti depuis que le jeu est sorti. Ben, c'est bon, on l'a. Je pouvais pas ne pas l'avoir. Il y a quelques personnages de plus, il y a quelques niveaux de plus, mais je l'aime au bout. Puis je l'aime aussi parce que tu peux jouer en ligne. C'est le premier Mortal Kombat que moi, j'ai l'expérience que je peux jouer en ligne. Puis tu sais, ça m'a agréablement surpris. Il n'y a pas vraiment de lag. C'est bon. Il y a du monde qui est de très haut niveau en ligne. Fait que je suis capable de me faire sacrer des volets. Parce que, tu sais, en temps normal, Mortal Kombat, je tue tout le monde. Tu tues tout ce qui bouge. Oui, monsieur. Bon, on va faire un petit sprint parce qu'il approche l'heure, à peu près l'heure fatidique, où ce que normalement on arrête ça, mais on a encore des affaires à jaser un peu. Je vais parler vite. Si je te demande ton jeu préféré à vie. Ben moi, c'est E.T. Oh, non, c'est pas vrai. Dis le gars qui est probablement le plus grand fan de ce podcast-là parce qu'il les a tous écoutés puis qu'à chaque fois, il me dit quand est-ce qu'il sort. Fait qu'il sait qu'à date, il y a 2 personnes sur 4 qui ont dit que le pire jeu à vie, c'était E.T. Non, ben pour vrai, je me souviens de l'avoir essayé. J'avais pas particulièrement aimé. Fait que pour mon préféré, là, tu me demandes mon préféré à vie. Oui, ton préféré. Je te dirais, c'est Mortal Kombat 2. Sur la SNES. et à l'arcade. Là, et à l'arcade, oui, OK. Mettons qu'on élargit ça, là, c'était vraiment ça, parce qu'il y avait, de la nuit, il y avait l'arrivée de plein de nouveaux moves, des nouveaux personnages, puis l'expérience était pas mal plus fluide que le premier. Donc, Mortal Kombat 2, yo! Puis les graphismes étaient aussi beaucoup plus beaux, mais plus cartoon, moins réaliste. Ouais, parce que le premier, c'était vraiment des gens qui étaient scannés. Ben, dans le deuxième aussi, mais il avait fait une map, des niveaux un petit peu plus, comme tu dis, fantastiques. Fait que c'était comme vraiment plus le fun, là. OK. Puis d'abord, ton pire jeu à vie? Mon pire jeu à vie, ça s'appelait... Ah, oh, non. Je m'étais dit, hey, je sais qu'ils vont me poser ces questions-là, fait que je vais m'en souvenir. Mon pire jeu à vie, ça s'appelait... Je m'en souviens plus. Ah, c'est bon. OK, c'est sûr, si je pige plus loin, je vais tomber dans un paquet de jeux qui m'intéressaient moins, là. Mais je te dirais que, mettons, si on parle de récemment, là, j'ai essayé un jeu de course qui s'appelait... En tout cas, ça a vraiment pas pogné. C'était... Ah oh, non, c'est... Ben, en fait... C'est Test Drive, OK? Tu connais la franchise de Test Drive? Ouais. Bon, mais il y en a un qui est sorti récemment. Je pense que c'est Test Drive Unlimited 2. Ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est con. Il est beau. Tu sais, il est beau. Il est bien fait pis tout. J'ai détesté ça, mon gars, là. J'ai comme été frustré en tant que joueur de jeu de course. Puis tu sais, c'est pas un mauvais jeu comme tel. Mais pour moi, je pense que c'est plus mes expériences personnelles. J'ai joué à ça, puis, tu sais, comme je te dis, je joue beaucoup à Gran Turismo, puis j'ai un paquet d'autres jeux, comme, tu sais, des jeux comme Dirt, qui m'offrent vraiment une super expérience de jeux automobile. Mm-hmm. Puis j'ai joué à des jeux plus fantastiques, tu sais, mettons, voyons, Trackmania, puis des jeux comme ça, qui sont un peu moins réalistes. Mais ce jeu-là, je sais pas, j'ai vraiment pas aimé ça. Aussi, pour la super expérience en ligne, j'essayais de me connecter dans des parties puis je trouvais jamais personne. Fait qu'à quelque part, je me dis... Il y a peut-être un signe là-dedans. C'est ça. Il y a quelque chose qui me dit que j'aurais peut-être pu mettre cet argent-là sur un autre jeu. Puis ça m'a vraiment, vraiment fâché de l'avoir. Puis il accumule la poussière, là. Ah, OK. Bon, ça arrive. C'est peut-être pas mon titre que je déteste le plus de la vie, mais de mémoire fraîche, c'est ça. Vu le nombre de mémoires qui te restent, c'est celui que tu peux reculer le plus loin que tu as détesté. Vous êtes qui, vous? OK. Si je te parle de ton... ben, t'as joué beaucoup PC, mais si je te dis ton périphérique de jeu préféré, console ou PC? Oh là là là là là là là là! Ben, je te dirais le vidéo, oui. Je trouve que c'est le grand oublié de ton podcast. D'ailleurs, personne ne le nomme. C'est vrai que ça a été le fun. Moi, j'aimais le vidéo way pour le temps des émissions interactives. T'écoutais les émissions, tu vas faire des choix. Oui. L'ascenseur, Blackjack 21. Oui. J'ai tout joué à ça, mon homme. À un moment donné, l'ascenseur, tu venais qu'à connaître les réponses par cœur. Là. Ouais, mais, ouais. Non, mais moi, j'aimais des jeux, vraiment des jeux... en semi-beau graphique. Là. Il y avait Temporel là-dessus, il y avait Q-Bert que j'ai vraiment aimé. C'est là-dessus que j'ai découvert Q-Bert, malgré que ça soit sorti sur à peu près toutes les consoles qui existent au monde. Mm-hmm. Le bowling. Puis il y avait un jeu, sans joke, là, VideoWay, là, il y avait un jeu que j'ai vraiment mis des batteries de manette à terre, là, c'était Styx. Un jeu super simple, qu'il fallait que tu fasses des formes pour essayer d'embarrer un araignée là, à l'écran, en tout cas. C'est sûr que décrit de même, ça vaut pas de la scrap. Là. Mais sinon, c'est ma PS3. Ta PS3, OK. Par-dessus mon PC de gaming, qui se fait un peu délaisser ces jours-ci, c'est ma PS3 parce que, pour tout ce qu'elle offre, comme les autres ont dit, c'est un media center, c'est une console de jeu, tu peux faire tellement de choses avec. Fait que... en ce moment, si je l'avais pas, il me manquerait quelque chose. D'ailleurs, quand la mienne est morte, j'ai tout de suite essayé d'en trouver une autre, puis c'est pour ça que j'ai acheté la tienne. Oui, parce que moi, elle servait pas vraiment... Elle servait pas beaucoup. Je suis plus... Il y a beaucoup, tu sais... Il y a une bataille Xbox, PlayStation, puis c'est normal, on a nos préférences. Ah oui, J'ai toujours préféré ma Xbox pour le genre de jeu qu'il y a dessus. Ma PlayStation, je l'avais parce que fallait que je fasse des critiques de jeux dessus ou des choses comme ça, puis finalement, je me suis dit, il n'y a pas assez d'exclusivité qui sortent vraiment pour que je me casse la tête à garder ma PlayStation. Puis depuis qu'on a Eric Chamberlain, nous autres, lui, il y en a une PS3, fait que... Chambi! Mais oui, c'est lui qui fait la plupart des critiques de jeux PS3, fait que je le laisse aller comme ça. Ben, tu sais, je l'ai eu, la Xbox 360, pendant presque 3 ans, puis je jouais en ligne Puis, tu sais, je veux pas prendre plus de temps qu'on en manque déjà, là. Mais c'est ça, je l'ai eu, puis je l'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Puis en plus, je te dirais que je préfère de loin la manette du Xbox qu'à la manette du PS3. Mais ce qui m'écœurait, c'est que moi, je joue beaucoup, beaucoup en ligne. Je trouvais ça plate de devoir payer pour un service en ligne, alors que celui de PlayStation, qui est gratuit, est aussi fiable, aussi stable. Fait que... Ouais, c'est vrai. C'est la grosse chose qui me tape ses nerfs de la Xbox, c'est le fait que faut absolument que tu payes pour jouer en ligne avec du monde. Sur la PlayStation, t'as pas besoin. C'est gratuit. OK, bon, ça, on va mettre de côté un peu le gaming. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Parle-nous un peu de Geekbécois, tant qu'à être là. Oui, geekbécois.com, c'est le site sur lequel j'écris un petit peu moins ces temps-ci parce que je me concentre un peu plus sur la production du podcast Geekbécois, notre podcast supposément mensuel, mais là, le dernier épisode a un peu traîné avec les événements qui sont arrivés dans ma vie, avec l'arrivée de mon petit garçon, puis tout, oui, tout, puis tout. On peut comprendre. Oui, mais c'est ça, c'est Geekbécois. Écoute, c'est un site internet, un blog en fait, axé sur la culture geek, donc jeux vidéo, bande dessinée, films, vraiment tout ce qui est divertissement raccroché au monde geek, on en parle. Puis ben moi, mon mandat là-dessus, quand j'ai commencé à écrire, parce que j'avais commencé il y a environ un an, l'été dernier, je te dirais, puis c'était plus question techno, gadget, petit truc, conseil, le fun pour les geeks. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Ben, j'aime encore ça, mais j'ai un peu moins le temps de le faire puisque je me concentre vraiment sur le podcast. Puis, notre podcast, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'organiser quand même beaucoup d'avance. Fait que ça demande ça. Puis, c'est moi qui fais le montage aussi une fois qu'il est enregistré. Donc, puis, je suis du genre un petit peu perfectionniste. Fait que j'aime rajouter des bébelles. J'ai fait les jingles qu'il y a dans le podcast. J'essaie de sortir un produit qui est quand même cool à écouter. Fait que c'est ça, geekbécois.com, pour ceux que ça intéresserait. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. On parle vraiment de tout. Là, on a un de nos gars qui est Jean-François qui est parti au Comic-Con de Ottawa. Il est parti hier. Okay. Et il est parti passer la fin de semaine là, puis il va nous revenir avec un paquet d'articles. Fait qu'on a de plus en plus de ressources pour participer à des événements cool. Puis c'est ça, là. J'aime vraiment... C'était ma première expérience d'écriture. J'ai jamais vraiment écrit, à part à l'école, quand on n'avait pas le choix d'écrire des textes ou quoi que ce soit, là. Mais avant ça, j'ai vraiment jamais vraiment écrit de texte. Puis je me suis comme découvert un talent que je connaissais pas. Pas que je sois vraiment une plume de fou, là. Mais, tu sais, je veux dire, je suis capable d'écrire de quoi de cohérent, puis de quand même... le fun à lire. Fait que je devrais commencer à me remettre à rédiger des articles un petit peu plus régulièrement bientôt. Mais c'est ça. Puis la gang avec qui on est, c'est tellement du bon monde. Avant de tomber sur les réseaux sociaux, c'était pas vraiment quelque chose que je lisais comme les blogs. Puis ça, je lisais les miens, mais c'était plus des blogs américains, des blogs un peu plus internationaux, plus connus, si tu veux. Puis le fait de découvrir qu'au Québec, il y a comme une communauté geek, gamer, qui s'est comme créée dans les réseaux sociaux, puis ça m'a permis de découvrir tellement plein de sites d'ici, puis ça. Fait que je suis comme super fier de faire partie d'un site comme Geekbécois, tu sais. Ouais, c'est le fun. C'est vrai que la communauté a grossi depuis peut-être un an et demi, deux ans, là, ça a comme explosé, là. Ben c'est ça, ça fait à peu près un an et demi que j'ai mon compte Twitter, je pense, ou deux ans peut-être, puis mais que je m'en sers vraiment activement, je dirais depuis l'hiver dernier, pas l'hiver qu'on vient de passer, mais l'autre. Mm-hmm. Puis bon, là, une fois que tu embarques dans la machine, ça roule en maudit. Puis tu sais, il y a tellement de monde intéressant. Fait que c'est ça, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ouais, ça te permet de discuter avec du monde que tu n'aurais pas eu la chance de discuter si, mettons, Twitter ou même Facebook, c'est différent, mais si Twitter n'aurait pas existé. Ben, c'est ça. Puis garde, Geekbécois, c'est un peu grâce à Geekbécois que j'ai rencontré M. Luc Desormeaux. Je te le présenterai un moment donné. En fait, on était au même événement oui, médiatique. J'allais justement en parler. Ah, ok. Ben, mais vas-y, compte-les, t'es parti. Ben, c'est ça. On s'est fait inviter l'année passée. Ford Canada avait invité des blogueurs de tout type de blog à participer au défi Ford Focus l'année passée, l'été dernier, à Montréal, qui était super le fun en passant. Pour essayer la nouvelle Focus, puis on l'a essayé solide, là, même sur le circuit Icar à Montréal. Moi, j'y ai sacré toute une volée, en tout cas. C'était à Mirabel, le circuit Icar, justement. Ouais, c'est quoi, j'ai dit? Montréal. Ah, mais regarde, Moi, j'étais à Saint-Zotique, fait que n'importe où qu'il y a un peu de civilisation, c'est Montréal pour moi. OK, c'est beau. Fait que c'est vrai, t'as raison, c'est un gravel. Puis, c'est ça, ben, on a participé à cet événement-là. J'ai parlé avec quelques personnes cette journée-là, mais tu sais, comme j'étais plus dans ma bulle, là. C'était ma première grosse sortie, entre guillemets, médiatique. Fait que là, je voulais faire ça vraiment bien, fait que j'étais dans ma bulle, puis tout. Puis, Luc était là aussi, puis je le savais pas. Puis, on se connaissait pas dans ce temps-là. Non. Puis, c'est en revenant sur Twitter, je pense, j'avais tweeté que j'avais passé une super belle journée là, blablabla. Puis là, il y a Luc qui fait comme « Hey, moi aussi, j'étais là! » OK, cool. Là, je parle, oh, j'étais à Saint-Zotique. « Hey, moi aussi, j'étais à Saint-Zotique! Ouais. » On habite à une rue de distance, littéralement. Là, je peux quasiment voir sa maison de ma fenêtre. Puis on était au même événement à Montréal. Puis, tu sais, c'est par les médias sociaux qu'on a su qu'on était pratiquement voisins, tu sais, c'est drôle. Là. Ouais, puis on était même assis un en face de l'autre, parce que, tu sais, après t'avoir vu, je me suis dit, ben oui, j'étais assis. On était assis drette en face de l'autre, un en face de l'autre, en attendant de se faire donner les personnes avec qui on était jumelés pour la journée. Ah oui, dans le lobby à l'hôtel, puis, ouais. Puis, ben, dans l'hôtel W, puis on était assis vraiment un en face de l'autre. Puis, je me rappelle t'avoir regardé, puis dit, il me semble, sa face me dit de quoi, à cause de ton compte Twitter. Okay. Mais tu sais, je veux dire, la photo ta photo de ton compte Twitter dans le temps, on voyait pas vraiment ton visage au complet. C'était comme juste une partie où je me rappelle pas. Fait que j'étais pas sûr que c'était toi. Fait que en là, fait, c'était mes fesses. C'était peut-être ça, tu sais. Mais puis moi aussi, j'étais comme dans ma bulle. C'était ma première sortie, même que j'avais pas vraiment d'affaires là, parce que dans le temps, j'avais pas parti le site. Le podcast était sur le point de partir, si je me rappelle bien. Fait que j'avais été invité parce que j'avais jasé avec le gars du compte de Ford Canada sur Twitter, puis on échangeait, tu sais. On se demande c'est pourquoi. Lui, c'est lui qui m'a... Ouais, j'ai aucune idée. Fait que il m'avait finalement donné une invitation pour aller là, mais dans ce temps-là, j'avais pas d'affaires là, quasiment. Là, j'avais pas vraiment de site. Ça a été un de mes premiers articles que j'ai posté sur le site de CGEP. C'était le défi Ford Focus. Puis depuis ce temps-là, mais j'ai reparti le site à zéro parce que là, il y a eu le podcast qui est parti. J'ai eu le monde qui font le podcast avec moi. Dans ce temps-là, c'était comme un blog plus personnel. Fait que j'ai tout enlevé puis je suis reparti à zéro. Mais ça avait été une journée incroyable. Puis oui, c'est la première fois qu'on s'est comme presque rencontré. Presque vu, ouais. Presque rencontré. Ah, mais c'était drôle. Mais ça écoute, ça depuis que je suis rentré sur un... comme dans l'équipe de Geekbécois, mettons, mais dans le monde geek, là, en général, c'est quand ça reste, à date, mon expérience préférée que j'ai vraiment eue. C'est une journée, écoute, on te passe un char, fais ci, fais ça, on avait un petit rallye, t'as telle étape à te rendre, rends-toi là, puis après ça, on t'amène au circuit, tu sacs la volée de la vie à ce char-là qui est flambant en eux, puis après ça, c'est comme, OK, bon, ben blablabla. Puis tu sais, j'ai vraiment fait comme... Attends, là, je pourrais peut-être aimer cet univers-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un peu mon moi-même un peu blogueur. Ça avait été super intéressant. Bon, ben, c'est beau. Fait que tout le monde allait voir ça, Geekbécois, le podcast, le site, c'est super intéressant. Il y a aussi, on va plugger le site à ta blonde qui est Web et Mascara. Oui! Et son petit bébé à elle, mais ça, je l'ai invité sur le podcast à un moment donné. Fait que si elle accepte de venir, elle pourra le plugger aussi tant qu'elle veut. Tu as accepté de faire partie du défi Tête Rasée. Oui, organisé par vous-même, mon cher. Oui, fait que tu vas venir te faire raser le coco avec moi et Simon le 3 juin. Ça s'en vient vite, 3 semaines. Ouais. Je suis en train de me faire pousser toute une touffe. tu te concentres le soir à te faire pousser les cheveux pour être sûr que ça soit plus long pour le défi? Ouais, ben je me mets un peu d'engrais sur le cuir chevelu, ça marche. C'est parfait. Fait que juste le plugger comme ça, vu que Steve et moi, on va y être, si ça vous intéresse de venir faire un tour, c'est au Parc du Millénaire des Jardins à Saint-Zotique. Si vous voulez voir les coordonnées, allez sur le cjup.com dans la section cjup pour le camp à droite dans les menus, puis vous allez voir l'adresse puis tout ça. Venez faire un tour, venez dire bonjour à Steve, là, parce que c'est lui la vedette de l'événement. Lâche-moi, t'es bien niaiseux. Mais... non, mais il n'y a pas de vedette. Tu sais, la vraie vedette, c'est la levée de fonds, Luc. Oui, c'est vrai. mais pour vrai, puis ceux qui nous écoutent, tu sais, je sais que l'année passée, Luc a fait une bonne levée de fonds avec des prix à faire tirer, puis tout, puis c'est vraiment investi dedans. Mais celle-là est tout aussi importante, même s'il n'y a pas de prix à donner. Le prix, c'est vraiment de la chance de nous rencontrer. mais bon, pour vrai, c'est scrap nos chances d'avoir des dons. Je m'excuse. Non, mais pour vrai, si vous avez n'importe quel petit montant qui peut traîner, ça peut tellement aider plus que vous pensez. Puis, tu sais, moi, malgré malgré que c'est seulement ma première expérience de ça, puis tu sais, je fais tellement rien à part essayer de ramasser un peu de sous puis me faire raser les cheveux, c'est tellement niaiseux, mais ça peut aider beaucoup plus que vous pensez. Puis moi, quand Luc a fait ça l'année passée, je suis comme tombé en amour avec le concept. J'ai fait aïe, t'es bon en maudit de faire ça. Puis tu sais, j'espère que si t'as l'occasion de le refaire, tu vas le refaire. Puis là, il le refait. Fait que donnez donc tabarouette. Ouais, puis l'année prochaine, j'ai un. Si celui-là va bien, j'ai un autre projet pour l'année prochaine. Puis on en reparlera. Tu fais tirer une Ford Focus. Non. Ben à moins que Ford m'en donne une, mais ça me surprendrait. Fait que, ben c'est ça. Si les gens sont pas tannés l'année prochaine, j'ai un autre projet, mais ça va être quelque chose de différent totalement. On en rejasera. Ça va être bien te tenter d'être impliqué aussi. Ben ça comme m'intéresse déjà. Là. On en reparlera. On en reparlera. Fait que, Steve, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça m'a fait vraiment du plaisir de t'appeler le matin de comme ça du bonheur. J'ai bien apprécié ma moment de passer avec toi comme ça dans la podcast. Fait que tu vas pouvoir aller revoir ta blonde et tes deux beaux enfants. Oui, elle est comme jalouse que je fasse ça le matin parce que je suis comme passé avant elle. Fait que c'est cool. Ah, dis-y que si elle accepte son tour va venir bientôt. Ah oui, mais je suis convaincu qu'elle attend déjà son tour. C'est que c'est, mais tu sais, elle a Mnet. Nous autres, on a nos petits podcasts pour se contenter, mais elle a quand même Monsieur Net. J'apprécie ta façon de penser. Fait que Steve, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup à toi. Puis j'avais hâte de le faire, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Ça a même pas fait mal. Hey, c'est tant mieux. Fait que merci de l'avoir accepté. C'est bien le fun. J'aime ça, ce petit podcast-là en tête à tête avec du monde. C'est super intéressant. Puis ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais à chaque fois qu'on jase, c'est intéressant. Fait que je suis content de l'avoir fait avec toi aussi. On se découvre. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Et puis, à la prochaine. Allez tout le monde! OK, bye!